tous les soirs, de 21h à minuit, ils animent la plus grande radio libre de France. What the fuck? Romano, Difool, Cédric, Marie, Samy, Momo et Karim. Toi aussi, où que tu sois et quoi que tu fasses, viens nous rejoindre en direct sur Skype. Merci Paris. T'as entendu Samy, merci Paris? Ah, j'ai pas entendu. Et si elle a dit, elle est merci Paris. Ah, c'était bien jusque-là. Sopra, on exclut en direct sur Skyrock. C'est pas fini. C'est fini. Là, je crois que. Là, c'est pas Sopra. Hein. Ou alors il a changé de voix. Et il chante en américain. Oui. C'était sur Skyrock, c'était fort, hein. Ouais, génial. Pratiquement 2 heures de concert de Soprano. Putain, j'aurais trop aimé y être, quoi. Ah, et c'est marrant parce qu'il y a plein de messages. Là, regardez, Jean Gina qui dit vous m'avez convaincu d'aller à Marseille. Le 19 et le 21 novembre, au Dôme de Marseille. Non, décembre. Vous m'avez motivé, là, ouais. Merci, Jean Gina. Ah, bah, il y a Johan, là aussi, pareil. Et il finit sa tournée là. Concert énervé de Soprano, j'aurais dû y être. Et bah, mais oui, Skyrock est là. Bah, ouais. Vous y étiez un peu avec nous. Nous aussi, on y était. On était même carrément dedans. Hein. Soprano en direct sur Skyrock. C'était le grand, grand concert. Soprano. Soprano Baba. En concert, en direct sur Skyrock. What the fuck? Avec Difool et toute l'équipe de la radio sur Skyrock. Et on y était aussi. Alors, comment vous avez trouvé le concert de Soprano? Génial. Lourd. Génial. Ce concert de Soprano. Merci pour les messages. Ça a défilé dans tous les sens. Vous y étiez. Il y en a qui ont, il y en a qui ont ravagé leur chambre. Je vais saluer Khaled qui a ravagé sa chambre depuis le début. On a eu l'état de la chambre du début jusqu'à la fin du concert. Et moi, je fais un coucou à Bettina qui est enceinte juste de fou. Elle disait qu'elle courait partout dans son salon. Elle sautait partout. Elle était contente. Elle va faire une fausse couche. Elle va nous pondre son enfant. Attention, en direct. Soprano en toute son splendeur pour Romuald. Ça rappelle des bons souvenirs à tous ceux qui sont allés au concert de Soprano, qui les ont vécu les concerts. Il y en a encore plein des concerts de Soprano. Allez voir avec Skyrock. Le Cosmotour continue de tourner à Chambéry. Oui. Le 22, c'est quand le. Hein? Ah bah le 27. Demain, demain soir, Chambéry. Ouais. Après, à Dole, à Toulon, au Zénith, à Châteauroux, à Angers, à Lorient, au Parc Expo de Lorient, à Brive-la-Gaillarde, à Gap. On descend un peu dans le sud, mais on remonte. Montbéliard, Longjumeau, au théâtre, c'est complet. Le concert de Béziers le 17 décembre. Et puis après, il y a Toulouse le 18. Après, Samy le 19 et le 21. Au Dôme de Marseille. Fini en beauté. Soprano. À la maison. On a qui avec nous au téléphone? Il y a du monde. Bonjour, Ena. Ena en direct de Grenoble. Ouais. Salut Ena. C'est Ena. Oui, salut. Ena, elle est toute bouleversée. Tout émuse. Bonjour, bouleversée. Bouleversée. C'est ça. Bonjour, ouais, Fanny. Voilà. Bonjour. Bonjour, salut. Fanny. Salut les filles. Salut. Alors, vous avez trouvé comment le concert de Sopra, les filles? Génial. Trop bien. Grenoble et Chalon. Au top. Et il y a Chambéry aussi qui était là ce soir. Chambéry en folie. Le Zénith de Paris. Mais pas que le Zénith de Paris, hein. La France entière, le monde entier a vibré. D'ailleurs, je voulais saluer Aziz du Mali qui a beaucoup aimé la dédicace pour Bamako. Et pour le Mali. Et ben merci. Ouais, il y avait de l'émotion. Ouais, c'était bien. Il y avait de la pêche. Il est super, Sopra. On le remercie en tout cas pour ce gros cadeau qu'il nous a fait ce soir dans la Radio Libre. Et on a même eu droit à une Marseillaise. Oui, il y avait dans un concert de rap. J'ai pris son, moi. Ah, t'as eu des frissons. C'était émouvant. Ouais. Bon, ben en tout cas, ça nous a fait plaisir. Merci à Sopra en tout cas pour nous avoir fait vivre ce concert en direct de Paris. Et merci à vous tous pour tous les messages que vous avez laissés pendant toute l'émission, pendant toute la diffusion du concert. Vous chantiez sur les SMS. Oui, c'est vrai. Vous faisiez un karaoké. SMS, internet et tout, vous chantiez. Oui, Marie dansait. Moi j'ai dansé, j'ai chanté. Oui, j'ai sauté partout. Elle nous a fait mal à la tête. Oui, c'est vrai. Ça va. J'ai mis mon casque à un moment. Le cachet nous a bien fait chier. Qu'est-ce que t'as fait, Romano? J'ai chauché mon casque parce que. Moi pareil, parce que j'ai mis le son bien fort dans le casque. Ouais. Ah, on nous. J'ai vécu le concert à fond. Je suis toute bourrée. La la la la la la la la la la la la bourrée. Oui, c'est bien, Marie. Mais t'es con, mais qui est con? Bon, Soprano. Ah bon, on a réussi à taper l'incruste dans le concert de Soprano. Ouais. Grave, sur scène. J'ai entendu, sur scène. Ah, y a quelqu'un qui m'appelle. Qui c'est? Il a fait Soprano. Et nous, on a fait allô. Surprise. Ça claquait, on m'a dit. On a une petite surprise encore. Et on a encore des surprises. On a des gens qui étaient là-bas, en fait. Oui. Ah, direct. On peut les prendre maintenant? Vas-y. Prenons ceux qui étaient au concert. Sinon, vous pouvez nous appeler, 01 53 40 30 20. Il y en a qui nous disaient à quelle heure ça commence la Radio Libre. Ben, ça a commencé à 20h45 avec le concert de Sopra. Et là, ça continue. Et ça continue jusqu'à minuit. Merci les filles, vous restez avec nous, hein. C'est pas fini. Fanny, Emma, Vincent aussi, hein, tu restes dans le coin. Il y a pas de problème. Ça marche. Eh bien, merci à vous, Vincent, Fanny. Vincent, on l'a pas entendu, Vincent. Allô. Ah, ah Vincent, tu es là. Tu restes là, Vincent. Dans les nanas, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. C'était trop bien. C'était le feu. C'était le feu. C'était Soprano. C'est vrai que ça donne envie d'y aller en concert. Ah, putain, à Soprano. Ouais, c'est clair. Moi, je l'ai pas vu le Cosmo Tour. Franchement, j'ai kiffé. Ben, nous aussi. Bon, comme on n'a pas vu le Cosmo Tour parce qu'on est là tous les soirs, on peut pas voir les concerts. Et ben, on en a profité ce soir avec vous. Voilà, on a fait. On a vu quelques photos que vous nous avez envoyées. Merci. Ouais, il y a des petites vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux. Et j'ai fait la devant la Maryse et j'ai envoyé des SMS. Très bien, tu as bien eu raison. Vous étiez tous dans le même état d'après ce que je vois. Ah ce bah soir. Non, ouais. La Marie qui dansait sur la table. Ah bah je dansais avec les bras en Vincent l'air. Vincent qui envoyait des messages à la Marie. Mais j'étais compris. Pas mal, pas mal. Bon, il y a du foot à suivre ce soir. Il y a le problème du mois qu'on va retrouver. Ouais. On va s'y mettre. C'est parti jusqu'à minuit pour la radio libre sur Skyrock. On va s'y mettre. On va attaquer tout de suite. Alors, on a des surprises qui arrivent. Alors, je sais pas quelles sont les surprises que nous a préparé Cédric. D'après vous, qu'est-ce que ça peut être? Cédric est un homme de goût. Ouais, je sais. C'est de la bouffe. Des kebabs pour tout le monde. J'espère que c'est pas des kebabs et de la bouffe pour tout le monde. Il a envie de vous offrir des cadeaux peut-être ce soir, je sais pas. On va voir ça. Non, il va juste dire bonjour, vous allez le reconnaître tout de suite. Allô? Ah, il y a quelqu'un qui est au. Allô, est-ce que tu peux dire bonjour, invité mystère? On a un invité mystère. Pour le moment, il ne dit rien, Cédric. Bah, il parle normalement, nous. Il parle qui? Ah, il parle, mais on entend ça pas. Ça n'a pas l'air de marcher. Ah, attends, ça doit être dans l'autre. Ah, parce qu'ils ont tout déréglé. Allô? Allô? Salut, invité mystère en direct du Zénith. Ah, mais là, on est en direct du Zénith de Paris. Ah, bah oui, on a gardé la connexion. Bonjour, l'invité mystère. C'est le débrief du concert. Qui était au concert. Si, on t'entend. Bien ah, ouais, t'entends. Tu nous entends, toi, ou pas? Moi, je vous entends très bien. Je m'entends par moi-même, mais on s'en fout à la limite. Ouais, le technicien qui démonte la salle, en fait, là. D'accord. En direct du Zénith, donc. On a Youssoufa. Salut, Youssoufa. Youssoufa qui ce soir démonte la scène. En bleu de travail. Et fait le ménage après. Non, mais quand vous étiez en train de. Vous avez pris carrément le contrôle du concert à un moment. Bah ouais. Oui, on s'est incrusté en plein milieu du concert. D'ailleurs, la prochaine fois, c'est toi, Youssouf. Ah oui, non, mais pour qui on vous va prenez... squatter. Donc, Youssouf, on te dit pas quand, mais on va prendre le contrôle d'un de tes concerts. Tant que Romano vient pas, moi, ça me va. Non, mais t'inquiète, t'as bien fait de dire ça. C'est quand ton concert à Paris? Je peux venir. Oui, Marie, tu peux venir même sur scène. Mais par contre, je préviendrai mon public si Romano parle. Tout le monde le eut. C'est très gentil. Fais-moi vivre ça une fois, oui. En direct dans toute la France devant des millions d'auditeurs. Ah non, mais c'est la classe, hein. C'était bien comme concert. Ah ouais, il déchirait le concert. C'est super. Ce disait, nous, on n'était pas dedans, mais avec la radio, on s'est mis le casque sur la tête et on avait l'impression d'être au concert. Oh, putain, ouais. Bah, vous voyez quand les gens criaient, bah, c'était juste moi et mon fils, en fait. Il y avait le mien aussi. Moi et mon fils, on fait du bruit. Hey, à côté de moi, j'ai monsieur Issadou. Il voulait garder la surprise et en fait je viens de le griller. Merde, bah ouais, mais t'es con aussi. Ah bah bravo. Dis-lui que l'émission est finie, Aïssa, s'il te plaît. Mais non. Aïssa, désolé, on n'a pas le temps là, on est hors antenne. Oh merde, c'est fini l'émission. Oh les connards. C'est pas vrai pour Issa. Ah, tu parles tout seul. Eh ben salut tout le monde, c'est pas grave. Coucou. Bonjour Issa. Bonjour Issa. Ça va? Vous allez bien? Bah oui, ça va. T'as bien dansé? Je viens de découvrir un truc aujourd'hui. Quoi? Franchement, Soprano, sur scène, c'est quelque chose. Ça pète, hein, t'as vu? Non, franchement, c'est quelque chose. Franchement, il a déchiré. Tout le public était là. Tout le monde était. Ouais, on a fait la fête. Il a fait, bien sûr, des dédicaces pour ce qui s'est passé ces derniers jours. Mais franchement, tout le monde a fait le show. Tout le monde a participé. C'est bien, c'est cool. Bien. Il y avait de l'émotion et ça passait, bien à la radio, hein, sur Sky ce soir. Il y en a qui ont pleuré. J'ai pleuré, moi. Hein? C'était mieux que le concert de Youssouf. Ah bah de toute façon, c'est pas comparable, ouais. Ah l'enfoiré. Non mais en tout cas. Ah t'es encore là toi. Ouais, non, mais, non seulement je suis là, mais au moins j'ai le plaisir d'être comparé à Soprano et pas à Romano. Voilà. L'honneur. Laisse mon pote Romano, tu laisses tranquille Romano. Ouais, pète-lui la gueule à ce con. Si ton pote sache qu'il me doit de l'argent, donc donne-moi mes thunes. T'as gagné le clash de l'amour ce soir, Romano? Ce soir, il n'y en a pas eu là parce qu'on a diffusé le concert là toute la soirée. Nous. Ah d'accord, ok. Bah oui, c'est vrai, je suis bête. Mais par contre, hier, je l'ai bien piné le belge. Allez, c'est bon là, allez. Ah, bah oui. Bah d'ailleurs, il est là, dis-lui un petit mot. Il a envie. Mais non, je n'ai pas de mots à lui dire, je lui parle plus, lui. Ouais, moi non plus. C'est un vendu. Un vendu. En tout cas, sérieux, je voulais vous dire que c'était super classe le truc de prendre l'antenne directement dans le Zénith. C'est la première fois que je voyais ça en direct dans un concert. Ah méfie-toi, Youssoufa. On va arriver. Non, mais on va s'arrêter là. Cette fois, c'était bien et donc on va s'arrêter là. Non, pour toi, on fera mieux. On débarquera sur scène. Ouais. Directement. On débarque sur scène. On te coupe les micros et Romano prend ta place. je t'attends avec ma batte de baseball. Très bien, ah, j'ai hâte pour mes fesses évidemment. Allez, salut les amis. Salut Issa. Merci Issa, merci Youssoupha. Salut les gars. En direct du Zénith à la fin du concert de Soprano. Ah bah t'es pas la seule à avoir pleuré, Marie. Ouais bah j'ai vu, ouais. Marie a pleuré pendant le concert de Soprano. Ouais, ah j'ai pas vu parce que moi j'étais en studio là, j'étais en train d'enregistrer des trucs. Je continue ma carrière. Ouais. Oui, bah bientôt au Zénith de Paris, hein, peut-être en Romano. Hein. Peut-être Bercy, même le Stade de France. Le Stade de France, ce que je dis. Stade de France, Stade Vélodrome. Ouais. Bon, merci. Stade de Lille, que tous les stades tous les de France. Mais moi j'ai cru, j'ai pleuré, mais j'ai dansé, j'ai eu de la joie. Marie, en fait, tu es ivre mort, quoi. Passer de la dépression à la joie ultime. Je suis complètement dématé, ouais. Complètement schizo. Mais non. En gros, tu sortais du studio pour aller écouter bien fort dans une grande pièce qu'on avait installée juste derrière. J'ai dansé aussi. Laisse-moi pleurer. Marie pleurait, tournait deux minutes après, elle était morte de rire. Laisse-moi danser. Et ben c'est ça. Et voilà, c'est ça. C'était Soprano. Merci en tout cas pour les messages. Merci Wolverine, merci Moustache. Il y a All Mikes qui vient nous laisser un message aussi. Le Joker, Leitmotiv qui vient d'arriver. Enfin, je peux pas remercier tout le monde. Nelly, Nadège, Sandrine. Il y a Tono, il y a Geshi, Anaïs, Brigui, Kevin, Abdoul, Cathy, Mathilde, Marie. Il y a du monde. Ça fait du monde. Voilà, concert de Soprano. T'as bien aimé, Karim ? Ouais. T'es vu danser aussi ? Ouais, moi je dansais. Moi, je me frottais à Marie un petit peu. Karim, il a une manière un peu bizarre de danser. Il était assis sur la chaise et il y avait les bras qui bougeaient un peu comme Romano. Ouais, on a chacun son style. Hein. Voilà. Et Cédric nous a fait une danse du ventre. C'était superbe. C'était magnifique. Rien que d'y penser, ça me. Par contre, il y a un mur qui est resté dans cette histoire. La danse du ventre. Le mur n'a pas supporté. Bon, fin du concert de Soprano. Merci pour cette belle soirée et merci surtout à Sopra. C'était lourd. Oui, en direct d'Australie, on nous a écouté. Il y avait un message de Tahiti tout à l'heure. Ouais, du Maroc, j'ai vu aussi des messages. De Belgique, les Belges étaient cool là ce soir. Oui, bonsoir. Bon, message de Londres également. Que ça touille les frites en écoutant le concert, mais en rythme. Le Soprano, ouais. Il est super. On touille dans le rythme de Cosmo. Soprano, il est super. Super méga cool. Oui, voilà. L'Algérie était là ce soir aussi. Et les Comores. Ah ouais, bien sûr. Et ouais, les Comores. Normal. Il a dû perdre 60 kilos, Soprano, avec tout ce qu'il a donné. Mais il va. S'il perd 60 kilos, il est plus là. Je ne crois plus. C'est Quentin qui nous a envoyé ça. Oui, il a disparu. T'imagines tous les soirs faire un show comme ça. Ah bah demain, c'est reparti. Hein. Et demain, ça continue. Sportif, hein. Demain, ça continue. C'est où demain déjà ? Chambéry, ouais. Très bien. Je crois, ouais. Et bah voilà. Bon, hey, on vous attend en direct au 01 53 40 30 20. Vous nous passez un coup de fil. Vous débarquez ici. Si vous avez un truc à nous dire, n'hésitez pas. Voilà, Soprano. Voilà, Soprano porte chance à l'OM. Et l'OM qui vient de marquer un but à 3 minutes de la fin du match. Putain, qu'est-ce qu'on galérait. Le foot est là aussi. L'égalisation de l'OM. Non, on passe devant. Ça fait 2-1. Il y avait pas mis le compteur. Le mec s'est endormi, je crois. Là. C'est ça. Vous jouez contre qui d'ailleurs ? C'est le même mec qui réalise touche pas à mon poste. Ça doit être Groningen. Groningen, c'est un club hollandais. Flut, c'est ceux qui avaient gagné la coupe pendant. Tout est flut Hollande. Mais c'est une vieille équipe, mais qu'est-ce qu'on galère gros depuis tout à l'heure. Ah, mais vous aussi, vous êtes une sacrée équipe de merde. Ah, il vient de marquer. Ah, mais c'est la rince. Je te cache pas que. Et t'as entendu le message de Sopra, la paix ce soir. Ouais, bien sûr, la paix, y a pas de problème. Non, mais ils sont pourris quand même. Non, Cédric, la paix sur la terre. Ah, d'accord. La première heure du match, je l'ai pas trop regardé, j'étais à fond dans le concert de Sopra, tu vois. Et là, depuis 10 minutes, je regarde. Qu'est-ce que ça joue mal, gros. Ça joue mal. Et puis, ouais, c'est un match pété un peu quand même. Bon. J'ai regardé, ouais, vite fait. Mais... Qui a joué aussi aujourd'hui ? Saint-Etienne. Saint-Etienne qui a fait match nul et qualifié. On est qualifié, ouais. Saint-Etienne. C'est qualifié. Un match, mais ils sont déjà qualifiés pour la suite de la compétition. Ah, magnifique. Il y a Monaco qui a perdu contre les Belges Anderlecht 2-0. Bonjour, quand il y a des frites, qu'on leur a touillé le cul. Qu'on leur a mis deux goals à ces enculés. Et voilà. En ce moment, il y a Bordeaux qui perd 2-1 contre Liverpool. Très bien. Merci, Momo, pour le point footballistique, bien sûr. Il est l'heure bientôt du problème du mois. On a un beau sommaire pour le problème du mois. Ouais, c'est bon, bah, je peux vous donner les thèmes. On va donner en speed et puis on aura Antoine aussi qui arrive avec nous et vous en direct. Il y aura des femmes bodybuildées. Mmh. Une fille qui. Des femmes bodybuildées, mais vraiment, parce que moi je trouve ça très très vilain quand elles sont très. Ah, mais très bodybuildées là. Ah, très très vilaine, non. Il y aura un mec qui veut dévergonder des hétéros. Oui. Il y a une meuf qui se fait lécher les seins partout, c'est-à-dire dans les lieux publics, bien sûr. Bien sûr, c'est pas possible. Elle présente sa poitrine aux hommes. Elle a bien raison. Il y a une meuf ou un mec qui kiffe les murs à trous, c'est les glory halls. Les glory halls. Et il y aura des murs où tu mets ta bite dedans. Ah ouais, c'est ta bite, ton cul, ta chatte. Je sais pas qui est derrière en fait. Moi je mets ma bouche. Si tu veux, ouais, tu peux mettre ta bouche aussi. Et j'attends. Voilà. Dégueulasse. Et il y aura également un god gonflable qui a déchiré un cul. Oh, magnifique, vive les gods gonflables. Un god gonflable. Ouais, c'est ça, ouais, un truc avec une poire, ça gonfle dans le cul, quoi. Et ça gonfle jusqu'au coma ballon. Ça gonfle. Ah, bah, je ne vais pas en dire plus pour le moment. Ça doit exploser le truc. Ah, j'ai déjà vu ce truc, je crois. Ouais, moi aussi. Non, mais il y a pas ça, mais on a un chez lui. Et ça se dégonfle d'un coup. Écoute, je n'ai pas l'objet en ma possession, mais. Soit on en a déjà parlé, soit tu as vu dans un film de cul. Mais non, t'en as un chez toi, mytho. Soit j'en ai un chez moi. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Excusez pour essayer avec mon matelas pneumatique. Ouais, tu peux essayer, Marie. Ouais. Donc je me le mets dans le cul, je gonfle. Oui, ben exactement, c'est ça. Super. Pas mal, hein, Marie. Bon, là, on peut en avoir un. Pour Noël, ça va aller. Pourquoi là, un matelas pneumatique et pas moi, hein. Non, mais t'en auras un pour Noël, Cédric. Cédric est très jaloux souvent. Ah, bah ouais, c'est vrai. Hein. C'est non, mais là, ça va, tranquille. Très bien. Bon, tu peux pas le mettre. Tu préfères un mur à trous alors? Non plus, non, ça va. Tranquille, je laisse pour Marie ça. Présenter ton anus à qui on voudra. Oui. A priori, pas grand monde. Pour l'instant, non, mais vous pouvez laisser des messages. Hein. Allez-y. 41759, skyrock.fm et 01 53 40 30 20. Non, mais Marie, admettons, t'es follement amoureuse d'un mec. Le mec te dit, bon, écoute. Gonfle-moi un matelas pneumatique dans non, le cul. Non, j'ai construit un mur à trous. Ah, pardon. J'ai trois de mes potes qui viennent. T'as quatre bites. T'as pas, non, t'es malade. Et tu les suces à travers. Et tu dois découvrir la mienne. Et tu fais un jeu à qui qu'elle est, la bite. Ouais, à qui. Ah non, dégueulasse. Ça va pas, non. C'est la bite à qui? Non, mais genre Marie, pareil. Et un anus gonflable. Est-ce que, quoi, pas un anus gonflable, un god gonflable plus, pour l'anus. Pour le tien ou pour celui de ton mec? Non. Pour la chatte? Non. Non. Bon. C'est par rapport au Glory Hole, Marie, si tu mets un mur, genre par exemple avec 20 bites, tu les suces toutes. Mais ça va pas, non. Et t'arrives à reconnaître au goût celle de mais ton mec? Mais t'es malade, mec, et t'es con. Non, ou à la consistance. C'est quoi cette question? Mais non, mais tiens, je me demande. Ouais, ou à la forme. Je le ferai jamais, un truc pareil. Ou alors ils peuvent te présenter leur anus. C'est au choix, la bite ou l'anus. Est-ce que tu crois que l'anus de ton mec, tu le reconnais parmi 5? Ah oui, t'es maïpi. Ouais, parmi 5, 20, c'est non, non. Non, mais 5 trous du cul. Moi, je pense que je reconnais le trou du cul de Zizine. Ah ouais? Ah, je pense. En le voyant? Ah ouais, attends. Vas-y, viens, on essaye un jour. Ouais. Toute l'équipe, on met notre trou du cul et tu les renifles tous. C'est dégueulasse. T'en auras un qui sera flingué au milieu, par contre. Ça nous a expliqué ce concert. Et le concert de Soprano nous a mis dans un état, mais. Non, mais. Un peu aussi. Genre, Karim, il doit avoir du poil au trou du cul direct. Je saurais que c'est pas Zizine, quoi. Ouais, c'est vrai. Parce qu'elle n'a pas de poil au trou du cul. Eh ben écoute, tant mieux pour toi. C'est dommage. Ouais. C'est mieux. Ouais, je suis un peu déçu. Je mets de l'engrais et tout, mais ça ne bouge pas. Le sommaire du problème du mois, dans quelques instants, on va juste dire bonjour à ceux qui arrivent. Les premiers, on a Antoine en direct avec nous à Lyon. Bonjour Antoine. Salut toi Antoine. Salut Antoine. Salut Antoine. Bienvenue, t'as écouté le concert de Soprano Antoine? Ah non, j'ai pas pu malheureusement. T'as pas loupé un truc. Ah dommage, man. Ah, t'as loupé un truc, Antoine. T'as raté ta vie, mec. T'as raté ta life, ouais. Yes. Et il y a Lucas aussi qui nous appelle de Montpellier, qui est aussi au téléphone avec nous. Salut, Lucas. Ouais. Salut. Salut, Lucas. T'as écouté le concert de Soprano, toi, Lucas? Ouais, j'ai écouté, ouais. Et alors? T'as kiffé dans sa pub? Ça va, c'était bien. Ça va. Trop bien, gros, tu es fou. Mais ouais. Trop bien. Franchement, ça m'a excité, ça m'a trop donné envie d'aller le voir au Dôme. Ah ouais, c'est quoi, Lucas, t'aimes pas Soprano? Bof. Voilà, bien, on lui transmet le message. Non, mais bon, même si t'aimes pas, il faut quand même, je sais pas, le mec qui. Ah ouais, mais il met chaud. Ouais, il met l'ambiance quand même. Franchement, ça, c'est. Il est sympa, Sopra. Non, mais c'était un magnifique concert. Ça s'enchaîne vachement bien, je trouve. Ouais, c'est quand bien. Quand il parle, quand il y a le son, enfin, tu sais, les instrus connus qu'il met derrière. Il fait des blagues. Ouais, franchement. Il parle à Marseillais à un moment. Ouais, tu as vu. Oui. Il a même dit merci Paris et tout. Et il a terminé par merci Paris, Samy, il a failli tomber dans les pommes à ce moment-là. Mais c'était magnifique, ça. Je croyais qu'on était piratés, quoi. Qu'est-ce qu'il raconte de ce con? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais il a raison. Bon, vous étiez réceptif. Bon, en tout cas, ça vous, écoute, ça nous a fait un beau cadeau pour démarrer la soirée. Là. Grave. Bon, nous, ça nous a mis en pleine forme. Alors, on a donc vous deux à retrouver. Alors, Lucas, dis-nous pourquoi tu nous appelles, toi. Alors voilà, en fait, moi, je vous appelle parce que en fait, il y a pas longtemps, là, j'ai retrouvé dans mon contact une meuf que je connaissais vaguement, en fait. Ah, donc toi t'es en galère et tu regardais, ouais. Putain, alors attends, y'a qui s'exprime? Je vais regarder, y'a elle, ouais, non, laisse tomber. Ouais, non. En fait, tu fais un tri, mais ça vous arrive ça, non? Romano, tu fais parfois avec tes anciens numéros de téléphone de tes galère. Mais moi j'en ai plus aucun, moi. Mais tu es une gothique, t'avais de son. Ah non, j'ai pas son numéro. Moi j'ai un pote qui fait ça, moi. Dans ta tête, t'as pas ton numéro de la gothique? Ah non, non, bah non, tu t'en rappelles plus. Ah non, non. Bah, plus le temps. Ah non, non, mais non, mais je t'assure que non. Tiens, déjà avec les téléphones portables, maintenant, tiens, ouais, les numéros. Ouais, c'est vrai que tu te souviens plus. Moi, je connais. Si, le tien, je le connais. Ouais, moi aussi, c'est une gentil, fois, par cœur. D'ailleurs, c'est peut-être ouais, le seul. Ouais. Tu sais que même celui de mes parents, ils ont changé plein de fois. Moi, je sais pas non plus. Je le connais même pas par cœur. Hein. C'est vrai ce que tu dis. Ton fixe, tu connais pas ton fixe de chez toi? Bah, non, parce qu'en fait, mes parents, tu sais, il y avait des auditeurs qui s'amusaient à les appeler. Ah ouais. Ah, oui, forcément, c'est sympa. La période, c'était la bonne blague, tu vois. Ils étaient là. Allô, Madame Romano. Madame Romano. y en avait un, il avait fait, ouais, je suis le Belge, j'ai perdu le numéro de Romano, vous pouvez me le donner. Sauf que c'était vraiment le Belge qui appelait, là. Oh là, allons, c'est le Belge. Je voudrais parler à Romano, j'ai perdu son numéro. Et bon, la journée, c'était, ça allait, quand c'était la nuit, ça les emmerdait un peu. Ah bah, donc, ouais, du coup, ils ont changé de numéro. Une première fois, il y en a des petits malins qui l'ont retrouvé. Ah ouais, donc là, ouais. Et du coup, ils se sont mis définitivement sur liste. Je les apprends même plus. Rouge, ils n'ont plus le téléphone. Bon, fini pour le match de l'OM. L'OM a gagné 2-1. C'est bien. Ouais, c'est bien, c'est bien. On se replace pour la qualification en Europa League. Tant mieux. Et Saint-Etienne, donc qualifié. Ouais. Et Bordeaux, on en est où à Bordeaux? Ils perdent 2-1 et il reste 2 minutes. On retrouvera Dylan qui est là-bas en direct de Anfield Road à Liverpool. Anfield Road. Yeah, ouais, ah ouais, fait déplacement. Yeah. Hein. Voyage, c'est bien, c'est bien. Ah ouais. Ici, à un moment, qu'est-ce qu'il y a? Braga qui a gagné 2-1. Braga a gagné dans le groupe de l'OM, mais c'est-à-dire qu'on est deuxième du groupe, si je dis pas de conneries. Très bien, merci Momo pour cette petite info sur le groupe de l'OM. Bien placé. Parlant de Braga, ferme ta braguette. Oui, s'il te plaît. Il a l'oiseau qui sort. Ah, non mais l'oiseau, putain. Mais Momo, il est tellement feignant que comme il pisse plusieurs fois par jour, quand il va pisser une fois, il se dit oh bah je vais pas remonter ma braguette, faudra que je la baisse tout à l'heure. Non mais bon, je ne veux pas voir Momo. Regarde ma bite. Merci Momo. Toi aussi, ça t'a excité le concert de Sopra. Oh là. Non, mais Momo, de toute façon, il est tellement feignant. Il ne ferme pas sa braguette, il ne fait jamais ses lacets. Oui. Et le mec, il a une ceinture. La ceinture, il ne la passe même pas dans tous les. Ouais, c'est clair, trop compliqué. Je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Les passants. Il ne passe même pas dans tous les passants. Ah bah non, trop. Et les poches, il est tellement feignant qu'il. Il ne rentre pas. Il ne rentre pas non plus à les poches qui sortent. Il a vraiment un look d'enfer. Je dirais même le total look. Bon, les gars, d'ailleurs, si vous voulez assurer auprès des meufs, c'est un petit conseil qu'on peut vous donner. J'ai touché ma poche. Le look Momo, braguette ouverte, la ceinture et les poches qui sortent. C'est vrai qu'il nous donne des conseils look. Ouais, pourquoi? Pour qu'on ait vraiment tous l'air de con. C'est Christina Cordon. Non, mais ça pourrait être marrant. Et quand il est chaud, il met son petit col de prêtre aussi. Oui, c'est vrai. Ah, c'est vraiment ambiance beau gosse. Magnifique. Hier, on en a pas parlé, mais hier, il avait un pull, vous avez pas vu. Troué avec une grosse tache de javel sur le bras. Dégueu. Hier, c'était Père Momo le pull. Mais non, mais tu comprends rien. Tu comprends rien au swag, Romano. Même là, t'as de l'eau de javel, gros, sur ton sweat bassi. Non, c'est ton, non, mais Umbro, ouais. Il doit être noir normalement, gros. Non, mais il y a toujours des comme ça. Ah, mais c'est un mytho. Non, mais là, par contre, il est plus blanc, il est gris. Ouais, c'est bon, c'est un ancien, c'est pour ça. Ah, ah, ah, ah l'excuse. Ah ouais, Momo, c'est un ancien. C'est vrai que tu pourrais devenir le Christina Cordula de Skyrock. Ouais, tu devrais nous donner des conseils. Ouais, Momo, tu veux pas faire une rubrique look? Non, c'est bon, merci. Et pour le foot, Bordeaux s'est fait éliminer, ils ont perdu 2-1 contre Liverpool. Très bien. Merci, merci Momo pour cette mauvaise nouvelle pour les Bordelais. Bon, alors Lucas, donc t'es allé faire un tour sur tes anciens contacts. Ouais, c'est ça. Et t'as retrouvé de quoi te mettre sous la dent. Le truc, c'est qu'en fait, c'était une connaissance plus qu'une pote, quoi. Mmh. Et genre, en fait, je lui avais déjà demandé vite fait. Et tu lui as demandé quoi, de sortir avec elle? Ouais. Et en fait, je m'étais fait têche. T'étais pris un râteau. Ah putain, mais ça c'est pas un truc direct. Bon, mais en même temps, c'était un truc entre. Et tu lui avais demandé comment aussi? Parce qu'il y a des moments où on demande mal. Donc râteau. Direct, en fait. Genre quoi, j'ai envie de sortir avec toi? Ah, j'ai envie de te baiser. Oh, ah, c'est vrai, j'ai envie de baiser, la vie. Baiser! Bah, c'est vrai que si tu vois une meuf et que tu lui fais en bavant, baiser. Baiser. Non, on n'aime pas. Je crois que je vais t'enculer, toi. Non, mais même de demander, est-ce que je peux sortir avec toi, c'est. Donc, non, mais c'est parce que, au pire, au début, en fait, c'était parti plus sur un délire qu'autre chose. Mm-hmm. Mais en fait, après. Oui, elle a pas trop compris le délire, elle. Non, elle est pas rentrée dedans, quoi. Non. Puis après, en fait, j'ai revu l'année dernière au Bahut, en fait. Et en fait, moi, elle m'a replu et tout. Et tu te dis que tu veux retenter le coup, au risque de peut-être de te prendre un deuxième râteau. En fait, l'année dernière, j'avais juste revu comme ça. Puis après, quand j'ai revu dans mes contacts cette année, en fait, j'ai reparlé. Mais est-ce que tu te masturbes en pensant à elle? Ah, oh, ça y est, direct. Pas encore. Oh. Hey, Lucas, on est entre nous. On est entre nous, là. Allez, Lucas, j'ai coupé les émetteurs. Voilà. Ah, Lucas, tu te branles. Non, mais ça, c'est chaud. Mais en plus, ce qui est chaud, c'est qu'il n'y avait plus dans ton bahut, la nana. Donc, mais il n'a pas répondu, Marie. Ah, pardon. Bah, non, mais savoir s'il se branle en pensant à cette meuf. Pour savoir s'il est vraiment amoureux. C'est le test. Si vous branlez en pensant à une meuf, ça veut dire que vous êtes très très très amoureux. Normal. Et ouais, c'est comme ça que ça marche. Quoi, amoureux ou très excité? Ouais, plutôt, ouais. Oui, c'est plus ça presque. Alors, tu réponds? Oui, non. Je tire sur la nouille. Non. Ouais, mais je te crois pas. Mais ouais, genre. Alors, tu sais qu'on a quand même le roi des râteaux dans l'équipe, Cédric. C'est moi, ouais. Et oui, c'est lui, vous l'avez reconnu. Cédric lui-même en personne, himself. Je suis là. Cédric, est-ce qu'il doit y retourner ou pas? Ouais, moi j'y retournerai, moi c'est gratuit de toute façon. Mais qu'est-ce que. Oui, toi, t'as rien à perdre. T'en as tellement pris que maintenant. Ouais, plus, un de moins, c'est pas très grave. Tu sais, plus si t'en as envie, gros, faut y aller, après tu vas avoir des regrets. C'est comme dans le cul, c'est la plus bien qui est la plus difficile à faire passer. Non, c'est charmant, ça. Après, le trou est fait, hein. Voilà, non, mais c'est vrai, poteau. Tiens, après, tu vas regarder le gars, tu vas dire, putain, j'aurais dû y réessayer, machin. Moi, j'y retournerai. Tu retournerais quand même. Le truc, c'est qu'en fait, tout à l'heure, avant l'émission, si je reparlais comme ça. Elle te dit quoi? Et en fait, elle est un peu, distante, elle peut aller pas. Ah, il va s'en reprendre un autre, moi, je vous dis. Ouais, mais moi aussi, elle est distante. Le doublé. Tente quand même le coup. Moi, perso, je tâterai le terrain avant. C'est-à-dire que non, mais je tâterai le terrain. Je vais pas arriver. Je vais te tâter le terrain. La ploter. Je lance des petites attaques et je vois comment elle réagit. Si je sens que la meuf, elle s'en bat les reins, bah j'y vais pas. Tu vois, ça a rien d'y aller. Quand t'es à peu près sûr que la meuf, elle va te jeter en l'air. Non, mais t'as raison, Manu. Sinon, faut être un peu suicidaire, quoi. Mais tu l'as Cédric, lui, comment par contre, toi tu vas. Moi, ben, j'ai coupé en avant, lui. Non, mais tu vois, tu parles avec elle, déjà, tu vois comment, par exemple, si tu lui fais des vannes, tu vois comment elle réagit, si elle rit à n'importe quoi, c'est que bon, il y a moyen. Ouais, mais ça, c'est un bon test, il a raison. Ici, la meuf. Vas-y, fais-moi une vanne pour voir si je suis amoureux de toi, Manon. Non, mais j'ai pas envie que tu sois amoureux de moi, putain. Non, mais là, c'est plus de la discussion, sortir un truc, je sais pas, là, pour le moment, ça vient pas comme ça, hein. Oui, bon, je crois qu'il est amoureux de toi, je crois que l'affaire est dans le sac. Donc, si la meuf, elle rit comme ça, c'est vrai qu'on rit comme des bêtasses. Ouais. Tandis que si la meuf, par exemple. Ah, putain, elle est trop drôle, là, Romano. Ah, putain, elle est trop drôle, elle est trop beau. Bah. Si tu lui fais une vanne et que la meuf, genre, elle s'en fout. Ouais, elle regarde sa copine en faisant des yeux comme ça. Bah là, tu peux dire que c'est quand même très mal barré. Et dans ce cas-là, je n'y vais pas. Donc, tâtage de terrain pour Romano. Faut foncer pour Cédric. Marie. Moi, je suis assez comme Romano. Faut tâter le terrain avant. Et après, on matera ce que vous nous dites, là, parce qu'il y en a qui sont. Putain, vous n'êtes pas d'accord tous. Samy. Moi, j'y retournerai quand même un coup. Ok. Pour être vraiment sûr. Et moi, je suis un peu comme Romano et Cédric. Tu tâtes les couilles et tu y vas direct. Cédric, il est pas dans notre groupe. Non, je sais, mais je suis un peu comme toi, un peu comme lui. Tu tâtes, mais les couilles, après. Tu vas quand même, ouais. Ouais, tu vas direct. Bah, oui. D'accord. Il faut pas avoir de regrets dans la vie. Fonce, mon gars. Voilà, tu vois. Message de Melka. Ouais, mais un râteau, ça me fait trop de mal, moi. Jeremy, je ne retenterai pas. Il va se reprendre un râteau. La meuf a pas voulu de lui il y a un an. Je la laisserai tomber. Ah, tu vois, ça, c'est le message de JM. Non, mais surtout, ce qui est, Lucas, t'es toujours là. Faut lâcher l'affaire pour Alia. Ouais. Ce qui est surtout, quand même, pour moi, très très mal barré, c'est que ce que tu nous as dit, c'est que la meuf, déjà, elle est distante, quoi. Ouais, c'est un problème. C'est pas bon. Si elle est distante, c'est peut-être pas près d'être ta meuf. Moi, je te le dis. Je vous dis carrément ce que je ferais, moi. Moi, j'irais pas. Non, mais tu peux même pas, tu fais une approche. Bah, elle m'a acheté il y a un an. Non, mais tiens, on sait jamais. Tu sais, des fois, les meufs, c'est des girouettes. Non, mais entre temps, t'en trouves une autre. Non, mais c'est vrai, les meufs, elles sont des. Elle a quel âge, ta copine, Lucas? Je crois qu'elle a mon âge. À 15 ans, vous avez 15 ans tous les deux. Bon, après, c'est vrai que ceux qui disent pas avoir de regrets, tout ça, vous avez raison. Aussi. Ouais, c'est ce que je disais, ça. Donc, moi, j'irai pas perso. Après, je te conseillerais d'y aller. Mais pas comme un gros joueur. C'est bizarre, la vie, hein, quand même. Hein. Moi, je reste sur ma méthode. Bon, approuvée par Mario. Vous êtes partagé. Il y en a qui iraient. Si t'as pas de meuf, vas-y. Tiens, ouais. Alia Tim Romano, elle est distante déjà dès le départ. Faut pas retenter. Voilà. Très bien. Alia Milox, va voir ailleurs. Zeptan, c'est mort. C'est mort, oui. Ah bah j'ai le même message, mais Flo le message 19. De Sam qui nous dit c'est mort. Flo 19, les ordures, c'est sur le côté, il faut aller de l'avant, mec. Bien. Moi je pense comme toi en ce qui me concerne, par contre aux autres je leur dirais vas-y, sinon tu vas avoir des regrets. Qui ne tente rien n'a rien, tiens, on était là. Comme dit le dicton. C'est Jojo 4G qui nous laisse un message, je suis d'accord avec Romano, il tâte le terrain d'abord. Ouais, ou alors je tâterai un petit peu le terrain et j'irai voir après. Là. Ouais, par Facebook ou un truc comme ça, tu vois, mais bon. C'est mort, mec, au pire va pêcher une autre meuf, Léo. C'est ce qui va se passer au bout d'un moment. Le problème de ça en fait, c'est que moi je suis en bac pro et du coup dans ma classe. Avec des mecs. Tu fais maths pour Cora, c'est ça que tu voulais dire? Non, tu fais bac pro quoi? C'est pas facile à dire ça. J'ai un électronique. Ah ouais, y a peut-être pas trop de neuf. Y a d'un électronique. Non, électronique, Marie. Très bien, Marie. Oui, oui. Oula. J'écoute de l'électro et tunique. Voilà, c'est ça. Génial. Bon, ben voilà, laisse tomber, c'est mort. Lucas, tâte le terrain. Qu'est-ce que tu veux faire alors? Zizi Pampan, c'est fini. Salut. Je sais pas, franchement. C'est pas là, t'as même pas éclairci. T'as embrouillé la tête en plus, t'imagines? Ouais. Je pensais qu'on allait t'éclaircir la tête, mais c'est vrai que c'est tellement partagé. Regarde, qui ne tente rien n'a rien. Un râteau, ça va. Deux, bonjour les dégâts. Miguelito, non, vas-y, t'es la première. Oui, en fait, y a de tout. En même temps, l'avantage, c'est qu'elle est pas dans ton bahut. Donc si tu te prends un râteau, déjà, t'es pas affiché. C'est pas grave. Bon. Moi, j'irai, moi. Vas-y, poteau. Bon, bah écoute. Eh merde, toi, mon bon Lucas. Qui ne tente rien n'a rien, de toute façon. Exactement. Non mais tu mixes les deux méthodes, tu tâtes un peu, tu vois, et si vraiment tu sens que la meuf elle s'en bat la race de toi, bah à ce moment-là tu vas pas. Faut l'inviter une soirée. Ce que j'y ai parlé, ouais, pour l'instant, je pense que ça me bat un peu la race. Bon, bah écoute. Ah bon, bah voilà. Si tu sens qu'elle se réchauffe. Ou alors vraiment, si t'as envie de te faire un peu de mal avant le week-end, demande-lui demain. Sans de bader un peu ce week-end. Mais non, il faut pas être direct de toute façon. Bader un week-end de novembre. Génial. Et quand on merde et tout. Non, mais ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Bon, Lucas, tiens-nous au courant. Bader dans les feuilles mortes. Donne-nous des nouvelles. Et puis si vous avez d'autres conseils pour Lucas, allez-y. Merci pour les conseils d'ailleurs. Hello, GG, Mathis, qu'il essaye une deuxième fois. Tu es friand, tu lui dis paye ton cul, salope. Tu es franc, pardon. Ah, tu lui dis paye ton cul, salope. Alors ça, c'est Big Beef. Non, mais n'importe quoi. Et Molly, qu'est-ce que t'en penses, Marie? C'est la bonne barbe de ta n'importe gueule. Quoi. Salut à Big Beef, d'ailleurs, qui vient d'arriver. Fonce, on n'a qu'une vie pour Damzou. Qui ne tente rien à rien. Ouais, limite, ça penche un peu vers le tenter le coup. Hein. Tate et tente. Voilà, tate ouais, et tente. Tate avant, ouais. Bon, ben merci en tout cas. Allez, courage. Pour le coup de fil, courage. Ouais, je peux dire un truc. Et on prend des nouvelles, Lucas. Ouais, franchement, moi, je te dirais que si des fois t'as des vues sur une autre meuf, n'hésite pas à y aller aussi. Ouais, ouais, tu peux. Prends ton répertoire et tiens-toi. Va voir les autres, ouais. Comment dire, en Bourgogne, tu peux courir plusieurs lièvres à la fois. Bah non, justement, normalement, le proverbe, c'est il ne faut pas courir plusieurs lièvres. Oui, mais là, sur ce coup, il faut. Ouais, là, vaut mieux. Là, vaut mieux. Oui, là, vaut mieux assurer, ouais. Très bien. Assurer la suite parce que j'ai l'impression qu'il va pas y avoir grand chose avec ouais, elle. Ouais, je suis d'accord. Bon, ben, bonne chance, Lucas, pour la suite. Je voulais dire aussi, ouais, je vote Cédric au clash. Ah, c'est gentil, merci, ouais. Poto. Un soutien pour demain. Ah, bah, franchement, je te souhaite bon courage avec la meuf. Là, c'est définitif, mec. J'en étais sûr. C'est mort. J'en étais sûr. Et quand vous soutenez les deux clashers, annoncez votre soutien, mais à la fin du coup, négocier. Moi, il y en a toujours un des deux qui vous aide pas. Tu vois, terminé, fini. Il regrette de t'avoir donné des conseils. Non, non, j'en regrette pas. Je te dis juste que l'histoire, elle est pliée. Non, t'inquiète. Je serais même prêt à mettre un billet sur la table. Quel rageux. Vas-y, mets un billet. Bah j'en ai pas, mais si j'en avais, bah j'en mettrais un. Bon bah salut Lucas, raccroche pas. Et on t'envoie le t-shirt et le bob de gradure, poteau. Ah oui, pour tout le monde, cadeau, cette semaine, ouais. T-shirt, bob de gradure. Et demain, gradure dans Planète Rap avec Jules. Ouais, ouais. Jules qui sera invité de Planète Rap et de Fred demain soir. Et dimanche, un Planète Rap spécial Jules. Ouais. Et demain soir, ceux qui passeront dans l'émission, on offrira l'album en plus. Dans la radio libre. Ouais, parce que c'est la sortie de l'album, on l'offrira. Très bien. Et on a une surprise pour vous aussi. Vous aimez Jules, restez bien avec nous le soir entre 21h et minuit. Ah, je n'en dis pas plus. Ah, cool. Bon, on va l'écouter. Tu l'as, le Jules, Romano? Ouais, bah, On va le mettre. Ouais. On fait juste le sommaire du problème du mois avant. Il y a Antoine qu'on va retrouver aussi en direct de Lyon. T'es toujours là, Antoine? Ouais, ouais, c'est toujours là. Très bien. Et ben avant d'écouter Jules, avant de t'écouter aussi Antoine, voici donc le problème du mois. Romano, j'espère que tu nous as fait cette semaine un problème du mois digne de cette grande soirée. Bah oui, j'ai pas fait de la merde. Toujours. si, alors j'espère que t'as fait de la merde. Ah ouais, non, c'est de la merde. Mais est-ce que c'est de la merde? Est-ce que la grosse merde Soprano? Ce sera de la grosse merde. Comment? Au niveau de Soprano ou pas? Bah j'espère. J'espère que ce sera au niveau du concert. J'espère vous contenter, public. Je vous aime. Donc avant de retrouver Jules, voici le problème du mois. Alors, qu'est-ce qui se trame dans le problème du mois cette semaine? Alors, le premier, c'est Paul, 33 ans, de Mantes-la-Jolie. Il a écrit à Jacques Weinberg. Oui. Donc, site internet... Bien sûr. Alors lui, en fait, il est un peu maigre. Ouais. Donc, il a décidé de faire de la muscu à la salle de muscu. Il a une révélation. Qui c'est que tu trouves maigre dans l'équipe? Cédric? Ah ben... Non, ça va, je suis... Non, Cédric, je dirais plutôt mal foutu. Ah, Momo? Non, Momo, il est pas maigre. Marie? Non, t'es pas grosse non plus. Samy? Non, Samy, bah avant il était maigre. Avant moi j'étais maigre. Maintenant, c'est un tentateur. Maintenant, Samy. c'est musclore. On fait du bras de fer si vous voulez, les gars. Karim? Karim, il est un peu maigre, ouais. Ouais. Et moi? Il est tout fin. Ah bah ouais, t'es maigre. Non, je trouve pas maigre, je trouve mince. Mais t'es tout fin. Ah, moi je suis mince. Ouais, mais même Karim, mais très. T'as vu les bras très musclés. Non, vous êtes. Regarde mes bras, dis pas ça parce que c'est le chef, reconnaît qu'il est maigre. Non, parce que pour moi, quelqu'un de maigre, c'est quelqu'un qui fait malade, tu vois. Ah. Genre non, mais tu vois, pas malade. Ah ouais. Bah, regarde, la peau sur les yeux, quoi. Ouais, non, mais attends, j'ai pas l'air malade, Romano. Non, mais je t'ai. Non, mais tu peux. Moi, par exemple, Cariole, tous les étés, alors c'est surtout en Italie, là-bas, mais tout le monde lui dit. Ah, bah, trop maigra. Ah ouais, ça la rend dingue. Elle est fine. Putain, moi aussi, on me disait ça cet été. Ah ouais. Casser les couilles avec ça. Maqué magra. Maqué magra. Ah ouais, ils sont là. Mais qu'est-ce que tu es maigre. Maqué magra. Ça l'énerve à chaque fois, elle est là. Putain, mais elle me font chier, c'est grosse. T'es ma grande canard. Très très drôle, Marie. Pas mal, Marie. Fais gaffe, t'as de la concurrence. Ah ouais. Karim, attention. Alors, attaquons ce problème du mois. Paul. Donc, lui, il est très maigre. Oui. Mais combien il pèse, il dit? Ouais, mais je ne dis pas maintenant. Ah, c'est si vous le choisissez seulement. Non, mais il fait 1m80. Romano nous fait les 5 problèmes du mois en sommaire. Il faut choisir parmi les 5. S'il fait 45 kilos. Bah, il est pas loin. Ah merde. Un peu plus, mais pas loin. Ouais, il est Ah oui, il est pas gros. Donc, il a décidé de se mettre à la muscu. Et en fait, à la musculation, il a eu une révélation, c'est les femmes bodybuildées. Alors maintenant, en fait, mais il va être ridicule s'il est tout maigre. Non, mais ça l'excite terriblement. Et en fait, il ne peut. Et en fait, maintenant, il va à la salle de musculation, mais c'est plus pour se masturber dans les vestiaires. Ah non. Ou avoir une bonne gaule matée, en fait, et pour se faire des films chez lui. Donc il mate les femmes bodybuildées. Ouais, c'est ça. Et maintenant, il aimerait en rencontrer une. Il sait pas trop comment l'aborder. Il se dit qu'avec son physique, il va passer pour un con. Il ne sait pas trop comment faire. Mais les femmes bodybuildées, c'est devenu sa passion. Très bien. Eh ben, c'est moi, ça ouf. Moi, perso, je trouve ça dégueu. Ah, ouais, moi aussi. Ah, c'est dégueu. Ah, moi, j'ai pas. Et puis, elles ont pas de seins. Non, elles ont des pecs, gros. Non, moi, on dirait les sauterelles. T'as vu les cuisses qu'elles ont? Les sauterelles. Ah, moi, j'en vois quasiment tous les jours, je peux te dire. En plus, les meufs, il y en a plein. Mais genre, elles sont huilées et tout. Non, c'est non, à l'entraînement, ça, c'est... elles sont pas huilées, tu vois. Mais genre, tu sais, moi, à la salle où je vais, il y a des meufs qui font des compétitions, genre des championnats du monde et tout. Hein. Salut, des meufs. Salut, Samy. Non, mais c'est ça. Excuse-moi, j'ai oublié ma serviette, mais tu peux me la prêter. Elles ont ce voix. Elles ont ce voix. Mais tu es Josiane. Ouais, de la salle de sport elles de Samy. Plus large que toi, Salut, Samy, c'est mon pote, je soulève de la fonte. Ouais, tu sais, Samy pousse de la fonte, allez, dégage de la salle. C'est ça, rajoute des points, c'est un pouce. Eh, mais dégage, je vais te mettre une baffe, m'en veux. Non, mais elle te met à l'amende n'importe qui, gros. C'est des meufs, mais tu vois ce qu'elles soulèvent, mais c'est impressionnant. L'autre fois, j'ai soulevé ma bagnole. J'avais un pneu crevé. Ouais, je voulais la garer. J'arrivais pas à faire le créneau, je l'ai pris. Pas besoin de cric, t'es. En plus, t'sais, les meufs, quand elles prennent des hormones, des hormones hommes, non, pas du tout. Ça leur donne des voix d'homme. Excuse-moi, je me suis pas rasé. Je trouve que Josiane n'a pas du tout de voix d'homme. Elles ont exactement la même voix que toi. Bah, elle a pas de couilles qui poussent, non, ça va. Non, par contre, j'ai la barbe. Samy, tu peux me prêter ton bic. Je les entends discuter des fois, gros. Ouais, alors, j'ai pris des protéines aujourd'hui. Il y a des effets secondaires sur la voix. Non, pas du tout, il n'y a pas d'effets secondaires du tout. Vous aimez les femmes bodybuildées, les gars, là? Non, mais il y a des mecs qui aiment. Il y a les femmes bodybuildées. Je pense. Ah, il y en a qui n'aiment pas, là. C'est dégueulasse, nous dit Jérém. Équipe de féminines de rugby. Ah, toi, tu aimes les féminines? Ah, mais là, elles sont un peu fat, ouais. Bon, on a donc le problème du mois numéro 1, celui de Paul. Il kiffe les meufs bodybuildées et il se branle dans la salle de sport. Ouais, c'est ça. Sur les femmes bodybuildées. Bien sûr. Parce qu'il adore ça. C'est sa nouvelle passion. Il a une révélation dans sa vie. Il a bien fait d'y aller, quoi. Oui. Alors, Louis, 41 ans. Ça, c'est le deuxième problème du mois. Lui, il est en Côte d'Or. Il a écrit à Doctimon. Bonjour, Louis. De Côte d'Or. De Côte d'Or. En Bourgogne, de la meuf. Alors, lui, son grand. Bon, il est gay. Mm-hmm. Et son grand kiff, en fait, c'est de dévergonder des hétéros. Mm-hmm. C'est-à-dire de les faire basculer. Donc, il va en boîte, il chauffe des mecs, vas-y que ça m'a. Et il les chauffe comment? Bah, il met des mecs. Les mecs, il leur cale. Samy, tu nous as raconté un truc comme ça, non? De quoi? Les mecs, c'est ton pote qui dévergonde des hétéros. Ouais, bah lui, c'est son délire, tu vois. Mais c'est. En vrai, c'est particulier, lui, il aime bien dévergonder des pères de famille, tu vois. D'accord. Ah ouais, c'est. A priori, ils doivent être hétéros à la base. Ah oui, complètement. Ou un peu. Ils ont des gamins et tout. Tu sais, il aime bien les mecs, genre un peu barbus. Hey, tu veux pas qu'on l'appelle avec Pamela, ton pote, il a l'air sympa. Ah, lui, il fait un carnage devant l'antenne. Et lui, il est sans pitié. Ah ben d'ailleurs, il vient là. C'est Marseillais ? Non, c'est un mec de Bordeaux. Et il peut témoigner aussi sur les glorioles, lui. Ah. Ouais, parce qu'il m'a raconté les glorioles. Il en a fabriqué un. Non, mais gros, il y a des endroits à Paris, genre des glorioles, tu sais, t'as des cartes. Genre, tu vas dans tel restaurant, dans tel bar, il y a un gloriole artisanal, tu vois. Il y a un petit trou qui est creusé entre deux toilettes exprès. Bon, attendez, bougez pas, je mange ma purée, et puis je vais me la faire sucer. Voilà, après. Mais tu sais que des fois, c'est genre dans les McDo et tout. Hein. C'est les mecs, ils ont creusé des exprès entre des cloisons de. Ouais, mais c'est des trucs de sadique, ça, un peu quand même. Absolument, non, mais c'est genre les mecs, ils donnent des rendez-vous et genre à 14h, je serai au McDo machin. Chiotte numéro 2. Ouais, mais bon, t'imagines, il y a des gosses qui viennent faire pipi. Ah, ben ouais. T'imagines, c'est un peu malsain quand même. Il donne un rendez-vous et là, pour lui faire une blague, je sais pas, tu prends un ami, Cédric, il y a demain, tu vas venir avec moi au McDo, on va donner rendez-vous à un gars. Va aux toilettes. Il va mettre sa bite et tu lui la mords. Ouais, bien sûr. Ouais. Non, je lui suce. Mais non, Cédric, c'est pour rigoler. Je lui suce jusqu'au bout. Tu la mords. Et on fait une vidéo, on met sur YouTube. Si ouais, bien sûr. Non, mais à Paris, des fois, là, ça peut être vraiment. Non, mais imagine, t'es dans un bar, t'es pas au courant. Par exemple, moi, je suis en train de chier. Ouais, tu crois et là, je vois un trou, je vois une bite apparaître. C'est ça, au fur et à mesure, tu sais, je vois un truc, un bout de chair, le gland. Et le truc, le mec, moi, je prends un bout de PQ, je lui tire dessus. Je peux dire que le mec, moi, je prends mon briquet, je lui la brûle. C'est pas con. Ou tu tires dessus comme un dingue. Tu mets un coup de pied. Bon, donc Louis, on en était où? Bon, donc lui, il veut dévergonder de l'hétéro. Donc il m'a dit bah au cul, des mains au panier. Bon, il explique. Et il explique, hein, des fois il se fait. Ça se passe mal. Oui, ah bah des fois même il s'est déjà fait taper. Mais dans le cul. Non, mais il s'est déjà fait taper sur la gueule. D'accord. Un mauvais réflexe, ça, ça. Bah si tu mets la main à la bite, ça arrive, ça. C'est un peu. Ah bah ouais, ouais. Un réflexe mal contrôlé. Faut être. Il y a des gens qui sont plus ou moins tolérants à ce genre de choses. On va dire plus ou moins ouvert. Non mais moi je l'ai raconté, le mec qui a voulu me galocher, moi je l'avais repoussé, hein, tu vois, bon je suis gentil mais il y a quand même des limites. Hein. Bon, t'aurais pu être plus sympa quand même. Non mais je l'ai repoussé, oui. Le mec, tu sais, le pauvre était tout seul. Hein. Le mec, je lui ai pas mis mon poing dans la gueule non plus. En fait, je l'ai écarté de moi avec mes bras. Oui, s'il te plaît. Ouais, est-ce que tu peux rentrer ta langue dans la bouche, s'il te plaît? Non mais c'est surtout, non, ce qui m'a fait flipper, c'est que le mec m'a attrapé la tête en fait. Ouais, il a voulu te forcer, quoi. Il a attrapé la tête à deux mains et sa bouche s'approchait de la mienne. Et moi, à ce moment-là, j'ai tendu mes bras. C'est l'amour, Romano. Ouais, bah, l'amour. Moi, j'avais pas envie de l'amour de monsieur. Non, mais... avec son filet de pêche qui lui servait de maillot. Hein. C'est joli comme tout. Cela dit, gay ou hétéro, si on te fout une main au cul ou machin, t'as le droit de riposter avec une claque. Hein. Genre, par exemple, tu veux dire que si Cédric, malencontreusement, laisse traîner sa belle main grasse au niveau de ton anus, Marie, ouais. Et qu'il te frôle. Ah, bah, je lui pète dessus ou je lui crache dessus. Ah, ouais, carrément. Ah, c'est pas là, putain. Comme un lama. C'est beau l'amour. Marie, c'est un lama. C'est beau l'amour, Marie. Non, mais ça se fait pas. Ce soir, j'ai des molars, des trucs verts monstrueux. Si tu veux tester, n'hésite des pas. Litres. C'est bon soir. Bon, alors. Bon, il arrive à en dévergonder, hein, donc il casse des culs, comme il le dit. Hein. Très bien, Louis. Et ça lui procure beaucoup de plaisir. Bon, il se demande quand même s'il est normal, s'il y a beaucoup de mecs qui font ça. Et il aimerait savoir, quand même, lui, il aimerait plus avoir une relation stable, mais il n'y arrive pas. Bon, c'est bien noté, c'est Louis, prévenu moi numéro 2. 3. C'est Imen, 32 ans, de Fontainebleau. Fontainebleau. Oui. Fontainebleau. Elle a écrit au forum Pornodépendance. Ainsi, Fontainebleau, vous connaissez la chanson, tout ça. Alors, elle, ce qu'elle aime, c'est montrer ses seins et se les faire lécher par n'importe qui. Mais elle les montre à qui, à toi? Alors, par exemple, ce qu'elle fait, elle fait pas ça vers chez elle. Hein. Elle prend des trains et, par exemple, dans les wagons, elle sort ses seins et elle dit au mec, lèche-moi les seins. Ouais. Alors là, pareil, diverses réactions. Oui, ça, ça forcément. Hein. Elle a les seins comment? Elle a des seins. Non, ça va. A priori, ils ont pas l'air trop dégueux, d'après ce qu'elle dit. D'accord. Et donc, ça marche, tout ça. Elle s'est déjà fait traiter de salope, de traînée, de compagnie par. Par des femmes qui étaient dans le train. Et elle fait ça aussi des fois dans la rue, en soirée. Elle ne peut pas s'en empêcher. Elle a peur d'avoir une réputation, d'avoir des problèmes. Elle se pose des questions. Pas du tout. Pas du tout. Bah non, elle est normale, bien sûr. Il n'y a pas de normalité, Marie, elle a envie de montrer ses seins. Ouais, taré. Non, mais attends, dans l'équipe, Karim, admettons, t'es dans le train, il y a une meuf, bon, à peu près potable, elle te sort ses seins, elle te dit, ouais, bouffe-moi les seins tout de suite. Ah, t'es fou, je sors ma bite, moi, direct, gros. Non, allez. C'est pas ça. Okay, donc le wagon de l'horreur. Je lèche les seins, moi, y a pas de problème, je lui touche. Ce que tu veux. Le wagon du cauchemar. Cauchemar dans un wagon. Non, mais moi, Karim sort sa bite. Non, mais je suis célibataire, la meuf, elle est à peu près potable, elle a envie de se faire bouffer les seins. Non, genre, je sais pas. Je lui dis, si tu veux, je peux même te bouffer la chatte, hein. Non, mais tu te dis pas que c'est une dingue? Non, mais je m'en fous si j'ai envie de la baiser. Si c'est juste pour la baiser, qu'elle soit dingue, je l'amène pas chez moi, on va chez elle. Ah oui, peut-être l'amener chez soi. On prend un hôtel au pire. Quoi. Ouais, voilà, un hôtel ou je sais pas, une cave ou un truc. Un grenier. J'y vais, un local poubelle ou un bordel, quoi. Ah non, par contre, ouais, je la ramène pas chez moi, ouais, parce que je me dis qu'elle est. Ah oui, c'est vrai, moi je suis capable de revenir à ça. Ouais, ce genre de meuf est complètement arrachée quand même. C'est un peu déséquilibré, ouais. Oui. Oh. Cédric, tu lui bouffes les seins, si elle est potable. Cadeau, bien sûr. Cadeau, je suis pas sûr. T'inquiète. Alors ça, c'est le 3. Le 4. Il reste deux problèmes du mois. C'est Laurence de Charente. Elle a écrit au forum Pornodépendance. T'as pas réussi à dire une des adresses. Ouais, c'est dingue. Hein. Correctement. Oui. Alors. Porno comment? Pornodépendance.com. Je vois pas où est le problème. Donc, Laurence est accro au gloriole. Donc, ces fameux murs où tu places, par exemple, pour un homme sa bite ou son anus. Mmh. Ou pour les femmes, anus, chatte. C'est surtout pour bouche. Les mecs, hein. Ou bouche, ouais. Bouche. Alors, elle aime bien se faire prendre par des inconnus. Donc, elle met quoi? Sa chatte ou ses Elle met sa chatte et son anus, elle. Oh. Oh. Et, Donc. Jérémy qui aime bien les sites. Sur les sites porno, mater les Glory Hall. On aura peut-être ton témoignage, Jérémy, alors. Et en fait, alors, elle a décidé de faire des soirées Glory Hall chez elle. Elle a fait un peu de bricolage, elle a acheté des planches, elle a fait des trous dedans. Cool, ça. Et un soir, en fait, elle n'est pas prévenue des amis, elle a fait un petit apéro. Et elle leur a proposé, elle leur a dit qui veut m'enculer à l'aveugle? Et c'était combien d'amis? Une dizaine. Ah, quand même. Un petit apéro sympa, quoi. Et bon, ils ont tous bloqué. Depuis, bah, elle les rappelle, ils ne décrochent plus, ils ne veulent plus la revoir. Elle a l'impression qu'ils sont complètement fermés. Elle aimerait organiser des soirées chez elle. Elle se demande si c'est une bonne idée, comment elle peut faire pour recruter tout ça, pour se faire prendre le cul par des inconnus. Oh, quête de poésie. Ouais. J'ai eu une belle rime à la fin. Recul, ouais, par des inconnus. Ouais. C'est mignon comme tout. C'est Laurence, le 4 et le dernier problème du mois. Eh bien, c'est Jean-Seb du 89. Putain, il y a deux Bourguignons ce soir. Forum. Ça va fort en Bourgogne, dis donc. Forum auféminin.com. Alors, grand consommateur et amateur de sextoy. Et là, il s'est acheté le God Anal Gonflable avec une pompe, le Mega Inflatable Ass Blaster. Ah, c'est le truc qui gonfle. C'est un modèle américain. Ah, ça a l'air de te mettre tout en... Alors, le problème qu'il y a, c'est que, gros souci, il se l'est mis dans le cul. Il a commencé à le gonfler tellement il avait de plaisir. Il s'est envolé, non? Non, sa main bougeait. Comme une montgolfière. Ce con a la main qui bougeait toute seule. Et en fait, il l'a trop gonflé, ça lui a éclaté le cul. C'est un véritable carnage. Il a très très mal. Et il a commencé à suffoquer. Il ne trouvait plus le bouton pour le dégonfler. Ça a été un enfer. Alors l'arrêt d'urgence. Depuis, il ressent des brûlures à l'intérieur. Il a l'impression qu'il a des séquelles irréversibles. Il aimerait bien réessayer, mais il aimerait avoir des conseils d'utilisation et surtout avoir des conseils pour son anus, parce qu'il n'ose pas aller voir le médecin lui expliquer qu'il s'est éclaté le cul avec son god gonflable. C'est vrai. Donc, il allait peut-être voir un autre médecin. Ouais, mais putain. Plutôt que ça, oui. Non, mais n'importe quel médecin, ça, franchement, c'est chaud quand même. Ouais, bah bon, il s'est exposé le truc. Il fasse quelque chose. Putain. Ouais, ou alors il fait comme on a souvent vu des témoignages de pompiers ou aux urgences, tu dis que le truc il s'est assis dessus. Ouais, voilà, il s'est assis dessus. Il s'est gonflé. Le truc s'est bien gonflé tout seul, j'ai pas réussi à l'arrêter. Un truc de dingue. Bon, ça c'est le problème du mois numéro 5. Eh ben maintenant il n'y a plus qu'à voter 1, 2, 3, 4 ou 5. Bon, tu nous lis le problème du mois qu'on vous aurait choisi. Donc Paul qui est trop maigre et qui va à sa salle de sport et qui se branle en kiffant sur les meufs bodybuildées. Ouais. Le 1. Le 2, c'est Louis de Côte d'Or. Lui, il veut dévergonder des hétéros. Et il est gay. Et il est le problème numéro 2. Le 3, Imen du 77, elle mentait ça en public. Ouais. Et elle s'est fait lécher, notamment dans des wagons de train, dans les transports. Laurence, problème numéro 4, Aclo Grolier-Hall qui a demandé à tous ses amis qui veut m'enculer à l'aveugle. Ils étaient 10. Et depuis, ils lui répondent plus. Et le 5. Elle aimerait trouver des nouveaux invités. Hein. En plus, donc si ça vous intéresse. Elle fait des petites soirées, quoi. On sait jamais. Et Jean-Seb, le problème du mois numéro 5, Jean-Seb et ses sextoys. Avec le méga inflatable ass blaster. Le truc qui te gonfle dans le cul. C'est ça. On va vous mettre la photo, tiens, sur. Ah, il y a la photo de l'objet, ça va? Ouais, c'est ça. C'est un god avec une pompe. Ah ouais. Mais là, il est gonflé. Non, il est pas gonflé, là. Ça, c'est taille normale, ça. Mais il est balèze, déjà. Bah, ah, t'as une petite pompe, t'as une petite pompe. La pompe à côté, elle est toute petite. En fait, vous voyez, quand vous allez chez le médecin, qui vous prend, que le médecin vous prend la tension avec le truc qu'il met autour du bras, là, il appuie sur une pompe. Oui. Imaginez, à la place du bracelet, là, du truc qu'il vous met autour du bras, c'est un god. Ouais. Et vous appuyez sur la pompe, il vient de plus en plus gros. Bon, à vous de choisir. Parmi les 5 problèmes du mois, ça vote. Emma nous dit le 5 au top. Noah, le 2, il est trop drôle. Le 4 pour Virgile. C'est noté, Virgile. Le problème du mois numéro 5 pour Timon Manon du 63. Le 5 pour Jules. Le 02, le 1 pour Alia, c'est assez partagé. Le 5, ils sont bien. Traditionnel boîte à caca Portas du 63. Le 3 et le 5 pour Camilo qui n'arrive pas à choisir. Marie, tu prends lequel, toi? Moi, entre le 2 et le 5, j'arrive pas à choisir non plus. Donc le gars qui dévergonde les hétéros et le 5 qui se gonfle le truc dans le cul. C'est ça. Moi, je prends le 5, moi. Ça m'étonne. Moi, ce soir, je reste sur le 5 aussi. Le 5, Romano. Ouais, moi aussi. Le 5. C'est toi qui gonfle. Soit les glorioles, soit le bodybuilder. Enfin, les bodybuilders. Le 1 ou les glorioles. Ah, c'est vrai qu'il est bien aussi, là, l'autre. Ah, ouais, sur les bodybuilders. Non, mais ça, ils sont bien, tes problèmes du mois. Ouais, t'as trouvé une bonne. Ouais, ils sont pas mal. T'as trouvé pas mal de dingue. C'est bien. Ouais, c'est bon, bah, il y en a. Hein. Oui. Karine, je prends les glorioles. Les glorioles. Ok, c'est le problème du numéro 4, les glorioles. Bon, vous votez, on vous laisse le temps de. Bah, tiens, on va écouter. Bah, Joule direct. Ce que vous entendez derrière moi là, Joule, Wesh alors, et Joule a pas loupé Planète Rap dimanche spécial, ouais. Planète Rap exclusif. Et demain soir dans Planète Rap avec Gradure. Et il sera en plus demain soir dans Planète Rap, ouais. Tous les soirs, de 21h à minuit. What the fuck? Difoulé sur Skyrock. Et sur Skyrock en direct jusqu'à minuit, après le concert de Soprano que vous avez vécu live tout au long de la soirée avec nous. En tout cas, jusqu'à il y a à peu près une heure. Vous avez eu quoi? Pratiquement deux heures de concert. Ouais. Très beau concert. On a démarré un petit peu plus tôt. Mais on n'a pas lâché les fondamentaux. Le problème du mois. Ouais. Et le problème du mois à choisir. Les votes arrivent dans un instant. C'est bon. Les... Oh, le lourdeau. Merci là, pour tous les votes là. J'arrive là tout le temps. Il arrive, mais il dit qu'il arrive. Non, mais bon, bon, monsieur Oco vote pour le 4, le 4 pour Zicotec, le 4 pour Dorian. Ah, le 4, les Glorioles. Le Sopra Sainte, le 4 aussi. Le 5 pour Dorian. Lequel vous allez choisir? On verra ça dans un instant. Le 5 pour Flo du 19, Axel du 13, le 5. Ah, le 5, c'est celui qui se gonfle un truc dans le cul. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, donc, ouais. C'est des gens qui écrivent sur des forums, des sites internet, des tout sites ça, internet hein. Sur le net. Et Romano les récupère et nous les ramène tous les jeudis soirs. Et il faudrait un jour, tu veux pas en faire venir 5? Ouais, non, mais attends. Ils arrivent. Mais... Ouais, mec, bonjour, je les connais pas, moi. Bonjour, je m'appelle Robert. D'ailleurs, j'ai un problème, je me gonfle un truc dans le cul. Non, mais c'est vrai qu'un jour, ce serait marrant d'en avoir un, tu sais, qui a écrit, quoi. Ah ouais. Et qu'en fait, en gros, je lis pas le problème du mois, c'est lui qui nous explique son truc. Oui, alors j'ai un souci. Un sacré. Oui, un sacré. J'ai éclaté le cul à coup de gode. Oui, exactement. J'ai très très mal. Et j'adore les femmes bodybuildées aussi. Ah oui, mais là, vous cumulez les problèmes, là, quand même, quoi. Oui, et je montre mes seins en public. En plus. Ah ouais, vous avez des seins en plus. Il fait le cumul des problèmes du mois. Bon, à vous de choisir et fini pour les votes. J'ai à vous de choisir, mais en fait c'est terminé pour les votes. On va vous donner ça dans un instant. Il y a Antoine qui est au téléphone avec nous en direct de Lyon. On lui a passé le bonjour tout à l'heure, mais on va t'écouter maintenant, Antoine. Salut Antoine. Salut. Comment vas-tu? Coucou. Salut. Bien et vous? Bien, bien. Donc toi t'as 16 ans, t'es lyonnais et ouais. Donc tu veux pas une petite réaction pour un problème, pour le problème du mois? Lequel tu préfères, toi? Déjà, est-ce que toi, ouais, vas-y, dis-nous lequel tu préfères. Après je te poserai une autre question. Ah. J'hésitais entre le 2 et le 5. Le 2, c'est celui qui est gay, qui dévergonde des hétéros. Ouais, c'est vrai qu'il est marrant, lui aussi. Et le 5, le sextoy qui gonfle dans l'anus de Janssen. Oui. T'aimes bien, toi, les femmes bodybuildées? Non, pas trop. Et quoi que l'accro au Gloriole, là, qui a demandé à ses potes, à ses 10 potes qui étaient chez elle pour boire un apéro. Oui, il y a quelqu'un qui veut m'enculer à l'aveugle. Ça a dû se monter un mur, tu sais, c'est... en carton de. Non, mais surtout, il y a dû avoir. Non, elle a fait ça bien. Elle a acheté du contreplaqué et tout. Ah ouais? Elle a fait des trous à la scie sauteuse, à bordel. Hein. Des trous à la scie sauteuse. Là, par contre, j'imagine le blanc qu'il y a dû avoir dans la soirée. Je sais pas, imagine, t'es chez des potes et t'as la meuf qui. Genre tout le monde. Il y a personne qui voudrait me sauter à l'aveugle. T'imagines le blanc qu'il doit y avoir. Faut sauter à l'aveugle. Ah non, mais même pas à l'aveugle, t'as même pas besoin de rajouter à l'aveugle. Je sais pas, t'es chez des gens, y'a personne qui voudrait nous sauter éventuellement. Et, ben, et ses potes, donc il la rappelle plus. Non, plus de nouvelles. C'est vraiment très très étonnant ça. Ouais. Non, mais c'est vrai, hein, très étonnant. Ah, ils ont compris leur douleur, je pense qu'elle est pas prêt de les revoir. Ouais. Bon, on verra lequel vous choisissez et tu nous le lis dans un instant, Romano. Là. Pas de problème. Bon, alors Antoine, tu nous appelles pourquoi toi, dis-nous. Bah, en fait, si vous voulez, il y a une meuf dans ma classe. Oui. Et j'aimerais bien lui demander en fait son numéro, mais je sais pas trop comment faire. Putain, c'est un bon conseil de drague ce soir. Ah ouais, putain, ça y va, mais il faut se réchauffer. Alors direct, parce que je me suis fait baiser avec. Par qui tu t'es fait baiser? Par Lucas, justement, qui soutenait Cédric. Tu soutiens qui, toi, au clash? Romano. Très bien. Donc je t'aiderai. Ah, c'est comme ça que ça marche. Dans ce cas-là. Non, parce que juste avant, je me suis bien fait avoir avec Lucas. J'étais très sympa avec lui pour qu'à la fin, il me balance à la gueule qui votait pour le veau. Ah, maintenant, tu demandes avant. Qui voilà. Pour qui? Le veau. Qui c'est le veau? Qu'il n'y a pas de veau dans l'équipe. Le veau, là. Dans l'équipe. Machin, là. Hein? Non, moi, je m'appelle Cédric, moi. Machin. Le machin. Non, j'ai dit le machin. Ouais. Ah, moi, c'est Cédric, moi. C'est répète Cédric. Le prénom. C'est Cédric. Voilà. Bon, demandez le numéro à une meuf que t'as envie de serrer, c'est ça? Comment t'y prendre? Ouais. Mais tu parles avec elle déjà? Ouais, vite fait. Alors, mais c'est quoi vite fait? C'est genre bonjour, ça va, ou ça va un peu plus loin que ça? Non, on parle, on rigole ensemble, etc. Quoi. Il y en a qui sont trop timides et qui sont comme toi là. Je vois le message de Lux. Bonjour Lux, c'est un pseudo qui va plaire à Romano, toi dis donc. Ouais, c'est bien, je t'embrasse. Non mais qu'est-ce que vous avez comme méthode pour donner votre numéro? Tiens, on a parlé de ça, je sais pas si c'est le soir ou le matin. Plus dans le morning ou la radio libre en fait. C'était le mec qui avait noté son numéro sur son sur l'écran de son portable. Ah oui, j'ai vu ce truc là, ouais. Et en fait, il le pose sur lui. Hop là, comme c'est ça. Voilà, meuf. Prends si tu veux, en fait. Et les meufs, elles prennent si elles veulent, ouais. Ouais, c'est ça. Donc ouais, c'est rigolo. Ouais, ça. Bah, oui, malheureusement, on n'a pas eu le résultat. Non. Ce qui serait marrant, c'est de savoir s'il y a des meufs qui l'ont appelé, parce que bon, c'est bien de le faire, parce qu'après, tu peux aussi, tu sais, tu peux faire un t-shirt avec ton numéro. Il y en a qui accrocher une pancarte aussi. Oui, voilà. On va envoyer Cédric le faire pour voir. Autour du cou. Si ça rappelle. Oui, c'est vrai. Ouais, avec un t-shirt, ouais. On fait un t-shirt. Tu mettrais quoi sur ton t-shirt? Bah, ton numéro. Bah, mon prénom et mon numéro, ouais. Alors, on envoie Cédric et genre Karim à côté, on voit qui est rappelé le plus. Ouais. Le premier téléphone qui sonne. Un battle, quoi. Vas-y. On pourrait faire ça. Ouais, le problème, c'est que ça peut être très long parce qu'imagine, il y a personne qui rappelle. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah merde. Ça peut être galère en fait votre Puis histoire. T'as raison. Alors on va le faire, on choisira un jour où il fait bien froid. Ouais. Bande d'enfoirés, garde la pêche, mon. On les fout dehors à 21h avec une pancarte. Je suis un pauvre type seul, aidez-moi. Sans amis. Sans amis, numéro de téléphone et on voit qui est le premier. Ça peut être drôle. À être appelé, c'est vrai, c'est pas mal. Non mais si tu mets que tu mets ouais, je suis un pauvre type et tout. Non mais faut pas mettre ça, c'était pas vrai. Ah merde. J'étais en train d'appeler pour me faire floquer un t-shirt avec sucre. Non mais il faut le faire. faire. Ou alors, est-ce que tu veux qu'on mette le logo Skyrock en plus? Voilà, ça fait l'affiche. Non, ça peut aider. Et pour la radio, c'est la honte. Tu vas avoir un procès du service juridique de Skyrock. Ouais, pourquoi? Parce que altération de l'image. Si, si, je t'assure. Ça va. Si, c'est pour dire, non, non, ça nuit à notre image. T'inquiète. Ah, mais ça, faut le faire, ouais. Par contre, faut se mettre, dans un métro ou un bus où il y a vachement de monde. Parce que s'il y a, s'il y a deux personnes. Obligé. Ouais, bien, il y a quelqu'un qui va te rappeler. Ah, j'espère. Va savoir. T'as la honte, sinon. Bon, t'as cette méthode-là. Qu'est-ce que vous avez comme votre méthode pour, qu'elle vous appelle, lui donner votre numéro, ou alors récupérer son numéro? Moi, j'ai bien une méthode aussi. Alors, Marie, on est refait. Faire une teuf. Tu fais une soirée où il y a quelqu'un qui fait une teuf. Sérieux, t'as pensé au même truc? Allez, et dire, voilà, on fait une teuf et tout, j'aimerais bien t'inviter, je te file mon numéro, file-moi le tien, et comme ça, je te tiens au courant du truc. Et bah voilà. Ouais, mais c'était ma méthode aussi, on fait bon, bah, tu vois. Putain, on est vraiment sur la même longueur. Ouais, ouais, non, mais c'est genre, ouais, t'organises une soirée, voilà, file-moi ton numéro pour que je t'envoie l'adresse, les coordonnées, tout ça, et t'as son numéro. Tu feintes. Pourquoi il fallait chez le cordonnier? Non. Il y avait des problèmes de chaussures. Non, les coordonnées. Les coordonnées. D'accord. Mais, par contre, du coup, il faut quand même, parce que si tu fais jamais la teuf. Non, moi, c'est du con. Ouais, il faut faire la teuf. T'appelles pas du con. Non, mais Cédric, je ne m'adressais pas à toi, là. Mais ouais, il faut vraiment faire une teuf du coup. Ouais, ou alors elle peut être annulée. Ah, ou sinon, non, ou sinon tu peux faire un autre truc, c'est tu peux noter sur je sais pas sur sur ta main. Non, sur ton front, sur ton front. Non, non, moi. Non, tu pas l'air court. Tu vas passer pour un débile. Non, tu peux noter sur un ticket, tu lui donnes et puis si elle veut te rappeler, elle te rappelle. Et après il y a un autre truc sur une capote aussi sinon et tu lui donnes. Ah mais une capote c'est trop direct. C'est il y a moins de chances qu'elle te rappelle là, tu vois. Non, le ticket ouais, c'est pas mal moi je trouve. Tu vois, si elle veut te rappeler, ouais, mais bah moi, je trouve notre méthode mieux avec Marie, évidemment. Oui, parce qu'on boit de l'alcool. Bravo, Romano. Ouais, mais là, mais c'est galère, faut faire une teuf. Non, mais non. Ouais. Non, parce que, la teuf, tu dis, elle a annulé. Il y a Vigipirate. Tu peux dire qu'elle a annulé. Ouais, voilà. Non, mais pas où. T'es pas Vigipirate chez toi. Mon anniversaire annulé, il y a Vigipirate. Non, mais t'es même pas. Il y a Vigipirate, je suis désolé, je peux plus la faire. Non, mais t'es même pas obligé de faire une fête pour l'inviter. T'attends qu'il y a une fête et tu l'invites. Non, non, mais ce qui est pas ça qu'il disait Romano, c'est pour récupérer le numéro. Croire qu'il y a une teuf, et en fait, tu dis que c'est annulé. Non, mais en gros, tu juste pour avoir le numéro. Non, mais la méthode qu'on avait avec Marie, c'est en gros, tu vas voir la meuf, tu lui dis, ouais, vas-y, je vais organiser une fête, j'aimerais bien t'inviter. Tu peux t'envoyer le flyer, tu, genre, voilà, ou l'adresse. Il n'y a jamais de fête. File-moi ton numéro, comme ça, déjà, t'as le numéro, donc c'est toi qui décides du moment où tu l'appelles. Parce que Cédric, c'est en fait, là, tu dépends trop de la meuf. C'est-à-dire que la meuf, elle peut prendre ton numéro et jamais te rappeler. Ouais, c'est la merde. Bah, si elle te rappelle, au moins, c'est qu'elle a envie de te voir. Ouais, mais si elle est coincée, la meuf, elle va pas oser. Tu vois, c'est vrai, quand on regarde comme ça, je me dis qu'il y a. Il y a. Elle te rappellera peut-être quand elle te rappelle. Bah, super. Il y a des chances qu'elle te rappelle. T'es rappelé par des meufs, hein. Non, mais je. Non, mais le soir, je suis parti dans la rue, j'avais laissé mon numéro à une meuf, elle avait rappelé. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais. Elle m'a même donné son numéro. C'était l'autre qui mangeait son kebab. Non, elle avait. Ouais, qui avait roté, ouais. Ah, elle a roté. Tu te rappelles, elle a roté, elle a fait. Alhamdoulilah. Cédric, il a dragué une meuf, elle lui rote à la gueule. Non, non, non, il y avait même un quart de touriste là. Ouais, un quart de touriste belge. Ouais. Un quart de bus. T'as rappelé, ouais. Non, un quart de touriste. C'est vrai, c'est vrai. Bon, donc on a quelques méthodes là quand même. Non, mais faut faire ça. Ouais, faut faire ça, c'est plus simple. Fais le truc de la teuf, elle est bien mon idée. Ouais. Non, attends, ça va, Antoine. Ouais, t'as pas une idée. Franchement, elle est bonne ton idée du fou. Ouais, pas mal. Ouais, moi, c'est génial. Bah, par contre, ton idée, Cédric, est sacrément à chier. Ouais, bah, c'est pas grave, l'idée de Gifoul, elle est très bien. Bon, bah, Cédric, c'est pas si mal que ça, ton idée. Ah, merci quand même. Non, mais c'est vrai. C'est gentil. Bon, tu vas faire quoi, Antoine? Bah, le truc, c'est le problème, c'est que la fête, je sais pas si je pourrais la faire. Ça m'étonne. Non, mais ça, tu dis, plan Vigipirate. Ou alors, tu dis que c'est la teuf chez un pote et que tu l'appelles pour lui donner des infos et puis bon. Et bah, t'as d'urgence, on peut plus là. Si, tu vois, tu peux dire, ouais, il y a eu un souci, ça sera remis et tout, mais comme ça, au moins, t'as pris contact avec elle. C'est-à-dire, en gros, dès le début, si tu veux pas organiser de fête, tu sais qu'il y en a pas de fête, c'est juste pour son numéro. Mais c'est ça, faut feinter. Bon, la meuf, elle va prendre pour un gros mytho après, mais au moins, t'auras ton son numéro. Exactement. Sur Facebook, c'est plus simple, on dit à ton hôte. Non, mais il faut dire que c'est un pote en dehors du bahut, par exemple, qui fait le truc, comme ça au moins c'est pas grillé. Ouais, chez Jawad. Il y a une pyjama party chez Jawad. Voilà, et ben ça c'est une très bonne chose. C'est Jawad, il met l'ambiance. Ouais. Après, le truc, c'est qu'aussi, vu que je suis un peu timide, j'ai un peu du mal à. Genre, je peux parler, mais après, des trucs comme ça, je sais pas, j'ai un peu de mal, en fait. Ouais, parfois, la timidité, faut. Vas-y, avec un pote. Non, mais là, le truc de la teuf, c'est même pas de la drague, ouais. Ouais, c'est même pas de la drague. Là, en fait, c'est juste, tu veux l'inviter, tout simplement. Oui, ça. C'est plus facile que de draguer une meuf, hein, ce qu'on t'a proposé. Mon idée géniale, là, tu sais. Oui. Ouais, ouais. Dire ça. Il y a Psycho91 qui nous dit, demande-lui direct. Les meufs aiment les mecs direct. Ah ouais. Avec de l'assurance. Mais un peu de timidité, c'est pas gênant aussi pour une fille. Ah là. Ouais, moi je préfère. Tu préfères quoi, timidité? Ah non, ouais, que les mecs trop sûrs. Les mecs trop sûrs. Ah, j'aime pas ça. Bon, bah, toi, moi, tu seras parfait alors, Antoine. Oui, après, faut pas tomber dans le timide maladif non plus. Oui. Non, bah non. Oui, ne peut pas trembler pour elle. Oui, alors. Ouais, parce qu'en fait, là, il y a aucun. Quand tu vas lui demander pour la teuf, il y a aucun sous-entendu. Genre, je veux te serrer. C'est juste, je veux t'inviter à une teuf. Donc, ouais, donne-moi ton numéro. Emmène une copine si tu veux. À la limite, voilà. Si un truc, demande le numéro à d'autres personnes dont t'en as rien à foutre, tu les appelleras jamais. Mais c'est histoire de. Et non, tu vois, c'est vrai, quand tu lui expliques que la teuf qui n'a jamais été prévue est annulée, tu lui dis, bah, tu vois, on peut aller boire un verre ensemble, peut-être, si tu veux. Ouais, ouais, puis de toute façon, tu auras discuté avec elle, donc tu verras bien si elle te répond. Mais en fait, elle est craignose, ta teuf. On sait que tous les deux, ça craint. Ouais, ça craint. Ouais, c'est pas super. Bon, ben voilà, Antoine. Si vous avez d'autres idées, vous nous les laissez, sur SMS, sur le net, au 41759, sur l'appli Skyrock, allez-y. Faites-nous péter tout ça. Bon, bah écoute, Antoine, bon courage. Bonne soirée. Tiens-nous au courant, toi aussi, de la suite, là. Ok. Vous avez vu les filles, dans quel état vous nous mettez, les gars, de temps à autre? Ouais, c'est dingue. Il nous faut réfléchir à mort. C'est fou, hein. Bon, t'embrasse Antoine, on t'envoie le Bob Gradure, le t-shirt Gradure, tout ça à la maison. Et tiens-nous au jus. Okay. Merci. Et donne-moi du jus. Merci, s'il te plaît. J'ai très soif. Je me dessèche. Salut Antoine. Salut Antoine. Salut. Et bon courage. Et toutes mes condoléances pour les Lyonnais qui ont été éliminés hier, hein, en tant que Stéphanois. Quel dommage. Je voulais psychologiquement vous soutenir. Mais en plus, ce qui est con, c'est que Saint-Etienne et Marseille, par exemple, continuent en Europa League. Oui. Et Lyon fera même pas l'Europa League. Ouais, fera rien, ouais. Donc ils pourront nous regarder à la télé maintenant. Et voilà. Ils jouent à la PlayStation. Un bande d'enculés, moi. Tiens, le mercredi, ils jouent à la Play et le jeudi, ils nous regardent à la télé. Et voilà. Salut les Lyonnais. Salut Antoine, raccroche pas. Et le problème du mois, j'ai les résultats du problème du mois pour ce soir. Lequel vous avez choisi? Alors, je les découvre en même temps que vous. Oh, il y en a un qui se détache quand même. Ce sera pas le problème du mois. Attendez, okay. Je prends ma liste. Ce sera pas le problème du mois de Phil. Alors Phil, non Paul, pardon. Ah, oui. Paul qui a eu. J'allais dire, il y a pas de Phil. Pas de Phil, ouais. Ce sera pas Phil non plus d'ailleurs. Voilà, non. Il était pas là. Paul, donc le mec trop maigre qui kiffe les meufs bodybuildées. 10% des voix. 15% des voix pour Imen qui sort ses seins en public et qui se les fait lécher. Et elle arrive à qui veut les lécher? Ah ouais, c'est ça. 15%. Bizarre. 18% des voix pour Louis. Alors, Louis, c'est le gay qui veut dévergonder les hétéros. 18%, c'est pas mal, mais c'est pas suffisant. Il arrive troisième. Deuxième, Laurence. Ah, faudra nous la ressortir, Laurence, parce qu'avec 25%, c'est pas mal. Mais ça suffit pas. Eh non. Elle est accro au Glory Hall. Ouais, celui-là, je le mets de côté, il reviendra dans quelques semaines. Elle a demandé à ses amis. Est-ce que quelqu'un veut me baiser à l'aveugle? Plus précisément, excusez-moi, est-ce que quelqu'un veut m'enculer à l'aveugle? Eh bien, personne n'a accepté. Non. Et ses amis ne lui répondent plus. Ses amis ont disparu. Ah ouais, c'est étrange. C'est fou, et Jean-Seb, avec le problème du mois qui arrive avec 32% en tête, a été sélectionné ce soir. Le sextoy qui gonfle. Eh ouais, le sextoy gonfle. Je commence à lire. Oui, pourquoi tu mets soprano? Parce que je voulais mettre une musique d'ambiance. C'est j'avais ça qui était calé. Oh, le gars, tu l'as. Non, mais il n'y a aucun rapport avec soprano, mais. Non, mais écoutez, ça nous rappelle le concert. Voilà, je me suis dit, tiens, c'est calé, je vais le mettre. Ça devrait vous faire un petit remember du concert de tout à l'heure, concert de sopra, là, que vous avez vécu. Arrête, dis tout, je vais repleurer. Mais non, c'était super, sopra. Oui, alors je danse. Oui, mais tu peux. Ah ouais. Très bien. Bah pourquoi? Ma Marie faisait les deux à la fois. Ouais, j'ai tout fait. J'ai pleuré en dansant. Oui. Alors, voici donc la lecture du problème du mois. C'est parti. Alors, attention, donc c'est Jean-Seb. Oui. Du 89. Il a écrit au forum auféminin.com. Donc c'est un bourguignon. Bonjour. Bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs. Ah. Tu commences comme ça. Oui, bah écoute, oui. Note, il présente le journal de 20h. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, Jean-Seb. Oh, bah. Je me présente, Jean-Seb. Je suis dans le 89, mais je préfère ne pas préciser l'endroit, l'endroit exact. Car j'habite à côté de chez Romano en Bourgogne. Non, parce que moi, j'habite pas dans le 89. Je ne préfère ne pas de, pour ne pas me faire repérer. Oui. Je suis un grand consommateur et acheteur de sextoys de tout type. Mon dernier achat, c'est C'était clair. Remets une musique. C'est bien, blanc comme ça. Mon dernier achat, c'est... On t'écoute mieux. Mon dernier achat, c'est... Non, mais c'est vrai, c'est super. Bon, moi, j'arrête, si c'est comme ça. Pourquoi j'arrête, si c'est comme ça? Vous arrêtez pas de me couper. Je coupe pas. Je galère. On écoute. Ah, déjà, 23h42. Est-ce que c'est une heure pour démarrer? Bah, écoute. Bon. Alors. Mon dernier... J'en étais à... C'est ça, le dernier mot c'est que t'as ça. Dit. Mon dernier achat s'est révélé fatal pour mon anus. Pourtant, il en a vu passer. Des petits, des moyens, des gros, un peu toutes les sortes, des plugs, des boules anales, des godemichets, de plus ou moins grande taille. C'est quoi des boules anales? Bah des boules. C'est des boules, tu sais, avec un fil. C'est un collier, en fait, comme les boules de geisha. Tu rentres les boules et tu les sors petit à petit. Ouais, c'est les anal balls. Je crois que c'était des boules de pétanque qui me tenaient dans le... Ah bah après, tu peux... T'as différentes tailles, hein, mais... Faut pouvoir les rentrer, quand même, hein. Oui. T'as déjà utilisé ça, Marie, toi? Évidemment. Non. Mais pas dans l'anal, mais de la chatte, admettons. Non, j'ai jamais essayé ce truc-là. Non. Teste-le, pour nous dire. Oui, bah écoute, offrez-le moi. Ah bah vas-y, ok. Si on te l'offre, tu testes. En direct, hein. Teste. Ah, très bien. En direct. Non, mais pas en direct, ça va pas. Là, tu dois en tester des trucs d'ici Noël, parce que moi, je t'ai promis de te trouver un god en forme de carotte, rapport au problème de la semaine dernière. Ah oui, c'est vrai, exact. Ou en forme de courgette. Là, j'ai du boulot, quoi. Ensuite, les anal balls. Bah, mon mec va me prendre pour une tarée en rentrant avec les trucs. Mais non, Marie. Mais attention, on va tester des trucs. On va t'acheter une mallette pour Noël. Tu es ravi, quoi. Tu dis que c'est tes amis de Sky qui ont fait un cadeau. Oui, bah, ils vous connaissent. Regarde comme ils sont mignons. C'est trop mignon. C'est trop choupichou. Choupichou. C'est ça, bien sûr. On en était où, là? Ça a été fatal pour lui, il a testé les godes, les machins. C'est ça. J'avais même, pour me taper un délire, acheté un œuf vibrant de taille plus gros qu'un Kinder. Pour Pâques, je m'étais vraiment éclaté l'anus. Quel plaisir j'avais pris ce jour-là. Donc le mec, formidable. Le mec à Pâques se met des œufs de pâques dans le cul. Et une poule. Pas mal. Là, j'ai acheté un god anal gonflable avec une pompe. Le Mega Inflatable Ass Blaster. Là, tu parles mieux en anglais qu'en français. C'est Le Mega Inflatable Ass Blaster. Ouais. Je me le suis offert et j'ai immédiatement voulu l'essayer. Il me faisait soupirer de plaisir. Peu à peu, j'appuyais sur la poire pour le gonfler dans mon anus. Je n'arrivais plus à contrôler ma main qui pressait la pompe. Mais l'autre, il avait mal et il continuait d'appuyer. Ma main était devenue incontrôlable. J'ai appuyé comme un dingue à fond sur la pompe. Ça a gonflé énormément dans mon anus. J'ai commencé à hurler de douleur. J'étais comme paralysé des membres et je n'ai pas réussi à le dégonfler. J'ai tiré dessus violemment pour me l'expulser de l'anus. À ce moment-là, j'ai cru que l'intestin allait venir avec. Oh, putain de merde. Ça doit faire ventouse en plus, tu sais. Ça doit faire ventouse. Le mec se vide. Je l'avais à moitié sorti. Tellement j'avais mal avec mes mains. Avec mes mains, j'attrapais le matelas pour essayer de dissiper la douleur. Je tirais sur mes draps. Je mordais mon oreiller. Je me suis dit, comment vais-je m'en sortir? Non, comment vais-je le sortir plutôt? Pète un coup, man. J'arrivais à saturation d'air. J'avais des palpitations dans tout le corps. J'ai cru que j'allais faire un malaise. Oh non, mais... Je commençais à suffoquer. Je me suis dit, pas le choix. Il faut que ça sorte. Ah. J'ai tiré d'un coup sec. J'ai hurlé. Je pense même que les voisins ont entendu, car j'ai entendu taper au mur à des voisins. Encore une fois, j'ai tout fait dans l'excès. Depuis, je ressens comme des brûlures. Ah bah attends. Mon anus est endolori. Mais il a dû se l'exploser, ouais, surtout. Ah bah ça, ouais, j'imagine, tu te seras un truc gonflé du trou du cul. C'est explosé le cul, man. Je ne sais plus comment en faire. J'ai bien mis un peu de pommade Nivea, mais rien n'y fait. Nivea. Bah, tu sais, les trucs là, les trucs bleus là. On met au plasmine dans ces cas-là, non? Ah, Marie qui a déjà été victime de ce genre de problème, conseille de l'homéoplasmine. Non, j'ai pas eu ce problème, mais je sais que non, ça mais, va non, faire non, mais attends, bah, franchement, tu l'as sorti tellement nature que... L'homéoplasmine dans ces cas-là. J'avais déjà foutu sur les lèvres de mon visage. Du visage. Je me demande comment je vais m'en sortir. Franchement, je ne me sens pas d'aller voir de médecin et de lui expliquer que j'ai eu un problème mécanique avec mon Mega Inflatable Ass Blaster. Comment faire pour guérir de l'anus et ne pas avoir de séquelles? Je me demande vraiment si je ne vais pas avoir des séquelles vu l'état de mon trou du cul qui est plus ou moins bâillant. Ah oui, c'est pas fermé le truc. Ça, je pense qu'il va falloir quand même quelques jours. Oui. J'ai peur de ne plus pouvoir m'adonner à mon plaisir favori, me carrer des trucs dans l'anus. Aidez-moi, je vous en supplie. Merci à vous. Rien qu'en écrivant le mail, j'en ai encore des douleurs qui m'envahissent. Bisous, à bientôt. Bisous, enfin bisous. Bisous. Faut qu'il arrête. D'ailleurs, on va lui dédicacer. Ah ben là, je pense qu'il va arrêter pendant quelques jours. Là. Petite dédicace pour lui. Voici le prochain son. Il est pour toi. Comment il s'appelle? Jean Seb. C'est pour toi, Jean Seb. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. écoutera la crime. T'es con. On lui dédicace un petit trou. Il a mal le man. J'ai mal, un extrait de l'album de la crime, tiens. J'ai mal. Alors, tu veux quoi comme réaction pour ton problème du mois, Romano? Si vous avez déjà eu un problème avec un godemichet, avec un sextoy, problème lors de l'utilisation, vous vous êtes fait extrêmement mal ou simplement mal. Ou alors, si vous avez déjà eu mal au cul, moi je sais que j'ai déjà eu mal au cul de ouf deux fois pour mon mes hémorroïdes et, ah oui, c'est vrai. Et pour mes fissures anales. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il va nous raconter, Romano? Qu'est-ce qui s'est mis dans le cul? C'est quoi encore le truc? Si vous, vous avez aussi, vous, un jour, un mal de trou du cul pour X ou Y raison. Alors moi j'ai un mal au cul pour Y. Quel était Y? Moi là moi c'est X. Non mais est-ce que Marie, honnêtement, Y Marie, est-ce que une fois tu t'es fait enculer et t'as eu grave mal au cul après? T'as eu grave mal. Je vous avais raconté, tu sais, c'était arrivé à Zizine aussi. Ça a ripé en fait, on faisait l'amour bah, normal. Et ça a ripé et c'est rentré dans le. Et la Marie s'est mise à chanter. Ah non, mais j'ai pleuré. J'ai mal, à mon trou. Ah non, mais j'ai hurlé. À mon petit trou, j'ai trop mal. Je crois que t'étais dans la pièce à côté en plus, il faut le. Quand tu te fais enculer. T'es mal, la bonne nouvelle. Non, mais c'était pas. Elle a eu mal. Oui, mais c'est vrai en plus. Eh bien, Marie. Moi, j'ai rien entendu. T'es dans le sud. Marie, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. J'ai un cadeau pour toi. Il y a un beau cadeau, Marie, pour toi. T'as un god, attends, je coupe la musique. On écoute la crime dans un instant. Passons aux choses sérieuses. C'est quoi ça? J'ai l'œuf vibrant. Tu vas pouvoir l'essayer, Marie. Allez, Marie, allez l'essayer. Vas-y. Ouais, c'est vrai, comme le rappeur, ouais. Il s'appelle Gizmo. Ah, l'œuf vibrant Gizmoz. Alors, l'œuf vibrant, magnifique. Alors, Marie, vas-y, je te le donne. Je vais pas le faire maintenant. Hein. Pourquoi? Bah, attends, c'est ce qui était prévu. Si, tu as dit qu'on faisait un test. Ah, par contre, il faudrait des piles. Ah ouais. Il n'y a pas de pile. Voilà. Ah, il faut une pile. Sinon, il ne vibre pas. Tu peux te le rentrer quand même. Alors, qu'est-ce que vous pensez du problème du mois pendant que Marie découvre son œuf vibrant? Non, mais moi, je comprends que le mec, ça doit faire trop mal. Ah bah, c'est sûr. C'est Chahouir, qu'est-ce qu'il nous dit? Paris 15 ans. C'est quoi se dégénérer? Oui. C'est des oufs, les mecs. Alors, Callaghan, qui a toujours des bonnes questions. Romano, tu préfères te prendre le méga non, c'est le méga inflatable ass blaster dans le cul ou sucer Cédric jusqu'au bout? Eh bien, je te réponds direct du tac au tac, je préfère me prendre le truc dans le cul. C'est vrai? Ah ouais. Même gonflé comme l'autre? Non, non, mais bon, non, mais moi je l'utiliserai normalement. Je vais pas avoir une paralysie de la main qui me fait appuyer sur le bouton. T'en sais rien. Non, non, mais pas. Bah, parce que toi, tu prendrais. Genre, tu sucerais Cédric jusqu'au bout. Ah, c'est pas moi qu'on a posé la question, Romano. Non, mais alors, moi je te la pose, dis-fou. On te la pose. D'ailleurs, je vais la poser à chacun des membres de l'équipe. Karim, dis-moi. Soit tu te mets le truc du mec, là, le god gonflable dans le cul, ou alors tu dois. Le ghetto blaster, je sais pas quoi là. Non, le méga inflatable ass blaster. Ça. Donc le god gonflable, ouais. Ou alors tu suces Cédric jusqu'au bout. Ah, je me mets le truc dans le fion, moi, je te le dis. Ah ouais. Ah ouais, je te suce pas jusqu'au bout. T'es malade, ah, je te suce. Ah, Samy. Mais je te crache dans la gueule, quoi. Laisse-moi endormir, tu dis. Non, tu dois choisir le méga inflatable ass master ou Cédric le sucer jusqu'au bout. Oh putain, gros. Ah non, mais moi je sais pas. Moi je prends la première, je pense. Le ghetto ass blaster. Ouais. Alors, Momo, il me suce, oui, Momo. Je vois que cet appareil a du succès quand même. Momo, il me suce, il a dit. Non, moi je prends le méga ass blaster et je suis Cédric. Les deux, les deux, d'accord, Momo. Et toi, Difool? Difool est parti. Mais non, c'est là. Difool est parti. Difool n'est plus là. Non, mais allez, vas-y, dis, il faut dire. Ah non, mais je me mets le truc dans le cul, moi. Ah, ben voilà. Non, mais d'ailleurs, dites-nous, les auditeurs, vous avez un choix à faire. Et toi, Cédric, alors, tu ferais quoi, toi? Ah, le truc dans le cul, moi aussi. Hein. Pareil, tu ne sucerais pas toi-même. À moi-même? Bah oui, mais c'était la question. Bah, j'arriverai pas. Mais t'as déjà essayé de te sucer? Non, non. Ce sont trop mauvais. Non, non, non, parce que je sais que je suis pas assez. Tu commences à approcher le nez, Cédric. Oh là! J'étais pas dans le délire d'essai, quoi. Bon. Alors, c'est bon, on a des piles. Et on aura la réponse du problème du mois Marie, aussi. Marie, tu vas y passer. Et vos témoignages dans un instant. On teste l'œuf vibrant sur la Marie, puisque tu nous as fait une petite promesse. C'est gentil, Marie, ce soir. Ouais, c'est ça, t'as raison. Non, mais Marie, tu peux le mettre dans ta culotte. Ça fait plaisir. Ça va pas, non? Mais tu mets dans la culotte. On te fait un cadeau. T'es malade. Bon, on écoute J'ai mal, hein. Ouais. Et ouais. Puis, qu'est-ce que c'est? Ah, bah, ça y est. Il est branché? Génial. Oh putain, le truc saute, mais. Aïe, aïe. Mais il est plus petit qu'un œuf. Putain, mais ça vibre sec quand même, hein. Le truc, ça saute. Tronche, ah ouais, mais ça vibre pas mal, ce truc. On dirait un marteau piqueur, c'est le bruit que ça fait sur le micro qui est en fer. J'ai un Et pas un œuf d'autruche, bon. Un œuf d'autruche, si, ouais, mais là, c'est plus, ouais, c'est un petit œuf, là. Bon. Allez, Marie, tiens. Tiens, on te le donne, Marie. Je te le donne, Marie. Examine l'objet pendant qu'on écoute la crime. Et après la crime, c'est la démo. Et après la crime des démos. Et vous vous inscrivez pour la roulette qu'on va faire tourner, tiens, dans la roulette cette semaine du ciné à gagner. Pendant 6 mois, vous allez voir tous les films que vous voulez, quand vous voulez. Autant de fois que vous voulez, c'est le pass qu'on va vous filer. Et à gagner au 41-759 ou sur l'appli Skyrock, vous laissez vos numéros, on tire au sort et juste après la crime, le problème du mois, ouais, la roulette qui tourne et vous tous en direct sur Sky. Tous les soirs, de 21h à minuit. What the fuck? Difoulé sur Skyrock. Bon, on a parlé d'amour, on a parlé de drague, on a eu Soprano, le gros concert de Soprano, c'était ce soir sur Skyrock. Je sais pas, vous étiez là en début d'émission. On a même démarré avant ce soir et on a eu 1h15, même un peu plus. Deux concerts en direct du Zénith de Paris. On remercie encore Soprano. Merci pour ton concert, Sopra. Ouais. Et, le problème du mois. Alors là, c'est moins facile à gérer. Voici le problème de Jean-Seb. Jean-Seb, ton ami, Romain. Quoi, mon ami, je ne le connais pas, mais bon, pourquoi pas. Hein. Tu as décidé de l'aider ce soir. Ouais, c'est ça. Jean-Seb. Jean-Seb, en fait, il a acheté un godemichet gonflable. Ouais. Le problème, c'est que il a eu tellement de plaisir qu'il n'arrivait plus à contrôler sa main où il y avait la pompe pour gonfler. On nous dit ça a dû lui arracher le cul, là, sur SMS. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tiré dessus pour l'enlever parce qu'il n'arrivait pas à trouver le bouton pour dégonfler. C'est à ce moment-là que ça arrache le cul. Ah, ouais. Il l'a tiré à moitié. Il avait très mal au cul et il s'est dit il faut que je le tire complètement. Là, c'est lui a déchiré le cul. Mais avant que tu fasses les problèmes du mois, Romano, je pense. Ah, tu viens de t'enlever un truc du cul là, non? Non, j'ai eu un petit hoquetto, j'ai eu mal pour lui là. J'aurais jamais pensé qu'il y a des trucs comme ça qui existent. C'est un truc qu'on gonfle à l'intérieur. Bon, bah après, bon. Ça gonfle. Chacun fait ce qu'il veut, pourquoi pas. Bon, et que des mecs pouvaient avoir des problèmes comme ça. Le mec était tellement sous tension qu'il a pas pu arrêter de le gonflage. Ouais, c'est ça. Il a resté bloqué le mec. Trop de plaisir. Marie, où est-ce que tu as mis l'œuf vivant? Il est devant moi. Il est dans ma chatte. Il devait être dans toi, Marie. Bah, Marie. Elle fait une promesse. Bon, des témoignages, qu'est-ce que vous nous dites là? Les messages que vous nous avez laissés. Tiens, Ninou, 23 ans. Mon mec m'a sodomisé d'un coup sec ce matin avec juste un peu de lubrifiant, mais sans préparation. J'ai cru qu'il m'avait Marie, elle a l'œuf dans les seins. Déchiré de l'intérieur. Ah, Marie, c'est pas dans les seins que ça se met l'œuf. Ça vibre grave, hein. Eh oui, quand c'est prêt à préparer un trou de balle, ça fait mal, hein, Marie. Non, c'est ce que je disais, ouais. Quand il va à sec, ouais. Romano, toi, c'est. Ça glisse. Les plus grosses douleurs que t'as eues aux fesses, c'est horrible d'avoir des hémorroïdes. Ah ouais, putain, moi, j'avais souffert, moi. Parce que je me rappelle. Ah, ça faisait mal. Alors, il est douillet, donc on sait jamais s'il a vraiment mal. Non, là, c'est sur le coup, ça fait vraiment mal. T'avais mal, parce mal. Parce qu'en fait, tu sais, ça. Au début, la douleur, elle est contre du cul. Ouais. Mais déjà, tu sais pas, moi, j'arrivais pas à trouver une position dans laquelle ça me faisait plus mal. Tu sais, j'ai essayé de m'écarter le cul. On était là, j'ai mal à mon trou. Des hémorroïdes, faites gaffe, hein, ça arrive à plein de gars. Hein. Ah ouais. C'est bizarre que t'en aies jamais eu, Cédric. Ouais, bah je me posais la question, c'est tellement aussi. Limite. Bah, ouais, parce que tu utilises beaucoup ton anus plus que tout le monde. Ouais, enfin plus que tout le monde. Ah, non, tu chies en grande journée. Bah pas plus que tout le monde, hein. Ah si. Bah, Romano le matin, il chie pendant l'émission, je peux te dire qu'il envoie du lourd le. Allez. Quand il a bu la veille. Non, mais je fais des petites crottes, moi. Ah, tu vois. Ah, mais il y passe à la matinée, hein, mon gars. Et alors? Bah non, franchement, non. Non, franchement non. Une fois, si je me suis torché, il y avait un petit peu de sang, je me suis inquiété. Ah non, c'était pas du sang, c'était rouge. Je sais pas si c'est de un truc que j'avais bouffé ou je sais pas. Ah, mais... dégueulasse. Non, mais c'est vrai qu'il y avait après, du vérifié, sang. J'avais tu veux rien. Nous finir. Quoi. Non, mais j'ai vérifié, j'avais rien. Ouais, il veut nous tuer. Ah, parce que moi, j'avais vérifié. Et putain, j'avais une olive au cul, quoi. Ah. Et après, en fait, pour terminer, mais l'apprécier, Romano. L'huile d'olive, c'est la saison. Eh oui. Là, si c'était passé, c'est que la douleur. Donc, je trouvais pas de position dans laquelle j'étais bien et pour pas avoir mal. Et le problème, c'est que la douleur, au fur et à mesure, se diffusait. C'est-à-dire que je n'avais plus mal qu'au trou du cul. Mais ça fait mal comment? Parce que par exemple, un mal dedans, c'est horrible. Bah, j'avais pareil. Horrible, pareil, c'était pareil au trou du cul. Horrible. Ah ouais, comme ça, ouais. Mal dedans, c'est monstrueux. Ouais, ouais. J'avais une rage de cul. Une rage de cul. Il fallait te faire arracher. Un rage au cul. Après, la rage dedans, Momo. T'as eu des hémorroïdes. Attends, Momo, s'il fait des hémorroïdes, il te fait un olivier dans les fesses. Ah ouais, Momo. Ah ouais, putain. Ah ouais, il te sort une grappe de raisin, quoi. Bon, on a Eric, peut-être une réaction pour le problème du mois. Il va faire tourner la roulette avec nous dans un instant, ouais. Eric. Salut, Eric. Salut toute l'équipe. Salut, Eric. Ouais, Eric. Alors, comment ça va? Ça va pas mal. T'as passé la soirée avec nous depuis le début, depuis 21h. Ouais, ouais, depuis le début, j'écoute. Ah, c'est bien, t'as écouté Soprano en entier, alors, du début à la fin. Ouais, Soprano, il envoie. Ah, bah, nous, sur l'envoi. Ah, bah, gros bisous sur tous les auditeurs. Et bravo, surtout. Ouais. Et bravo à lui. Bravissimo. Très bien, on salue également nos amis italiens qui nous écoutent. Bravo, Soprano. Bon, une petite réaction pour le problème du mois ou on passe directement à la réponse? Non, mais est-ce que t'as déjà eu mal au cul? Pas forcément avec une bite, mais. Non, moi j'ai jamais eu de problème comme ça, mais ouais, c'est vrai que ça doit faire mal quand même. T'as pas envie d'essayer? Non, ça ira. Franchement, c'est pas Marie, du tout mon délire. Je suis sûr que l'œuf qu'on t'a donné, il va finir dans le cul de ton mec. Non, je pense pas. Non, dans le mien, je pense. Je vais voir ce que je vais en faire, je vous raconterai demain. Très bien, tu me diras demain. Donc elle repart avec son œuf vivant. Je plains ton mec, s'il est en train de dormir, l'autre il va se réveiller, non, il va avoir un œuf dans le fion. Ça va, il va se réveiller, j'ai pondu. Je suis une poule. Nettoie-le quand même, Marie, parce que c'est le vigile qui me l'a donné. Ouais, je vais le nettoyer. Ouais, mais c'est Yovan qui l'utilise. Ouais, il joue. Yovan de la Sécu, il se met ça dans les. Ah, c'est pour ça qu'on en a récupéré un. Ouais, c'est il aime ça, lui. Il aime ça, le con. Ça ou ma traque télescopique. Ouais, oui. Les sont comme ça. Nos amis Hugo, nos amis serbes. Ah, ils kiffent. On vous salue d'ailleurs. Allez. Il va pas être content. Hein. Ah bah tiens, témoignage, à l'étard. C'est clair, les hémorroïdes, ça fait trop mal. On a l'impression d'avoir un couteau dans le cul. Vive Romano. Merci. Et message d'une Kabilia qui nous dit il y a une meuf dans ma classe, elle avait des hémorroïdes. Ah oui, ça arrive à n'importe quel âge. Hein. Et elle marchait comme un canard. Ah, vous avez dû rigoler avec elle, tiens. Bon, réponse du problème du mois, Romano. Alors la réponse. Oui. Salut mon coquin. Salut, qui c'est qui répond? C'est un internaute. Une internaute même. Et aussi arraché que les autres. DS Beauté 56. D'accord. C'est son pseudo. Ok. Salut mon coquin. Il faut soigner tout cela avec des corps gras. Ah ben on prête ses. Voilà. Il existe des crèmes. Il existe des crèmes. Il existe des crèmes que tu peux trouver en pharmacie et qui te permettront de soigner ton anus plus rapidement. Je tiens à te préciser que ton mail m'a fait beaucoup rire et je m'en excuse. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Logiquement, au bout de quelques jours, ton anus devrait reprendre sa taille normale. Surtout, évite d'être constipé, car là, tu pourrais encore faire. Enfin bon, tu choisis pas d'être constipé. Bah si, avec ce que tu bouffes, hein. Ah ouais. Ah bah je veux dire que quand j'avais des hémorroïdes, le médecin, c'était le premier truc qu'il m'avait dit. Il m'a dit surtout, ne soyez pas constipé. Cédric, il faut que tu lui fasses à bouffer à l'autre là. Fais-lui à bouffer ou emmène-le dans un petit restaurant préféré. Ah bah là ça va être liquide. Voilà. Pour avoir aucune chance d'être constipé, bois pas mal de jus de pomme. N'hésite pas à manger du pruneau. Et si vraiment tu as l'impression que la constipation arrive, n'hésite pas, prends du laxatif. Comme ça, ton anus se reconstruira plus vite. Oui, bah c'est pas non plus un chantier, le bordel. Bah, a priori, si, t'as vu dans quel état il est. Car tu es assuré, avec mes petites recettes, d'évacuer de manière totalement liquide. Très bien. Et pour tes achats, tu peux continuer, mais mets-toi des limites, surtout sur le matériel. Putain. Et pour tes... tu lis bien ce soir. Et pour tes achats, tu peux continuer, mais mets-toi des limites, surtout sur le matériel réglable par ta main. Attention au sextoy, ne sois pas trop gourmand. Attention à ton anus. Bon courage et bon amusement. Bisous. Bon amusement, bon courage, bisous, très bien. Non mais moi, si ça c'est un coup, je pense que ça t'arrive, t'arrêtes à tout jamais quoi. Bah, c'est un coup de truc, tu le jettes, oui. Ouais, tu te dis, allez stop les sextoys, c'est pas pour moi. Eh ben pour lui, si. Merci pour ce problème du mois, merci pour les témoignages. Ouais. Et là, il est l'heure de faire tourner la roulette. Et juste après, un petit carré communication express. Allez. Skyrock t'offre 6 mois de ciné. 6 mois de ciné, gratuit et illimité. Alors Eric, t'as 21 ans, t'es à Besançon et c'est donc l'heure de faire tourner ta roulette. C'est ça. C'est parti. À l'intérieur, il y a les places pour Commencer loin, le film avec Aurel Salégringe, qui sort le 9 décembre. Décembre, ouais. Donc il y a 4 places et puis peut-être le pass pour aller au ciné 6 mois quand tu veux, où tu veux. Gratos. Oui. Stop. Attention Eric, tu fais quoi dans la vie Eric? Là, je vais faire du boulot. Faire du boulot. Bon, ouais. Ouais, t'as donc du temps pour aller au ciné, c'est bien. C'est ça. 4 places, c'est gagné. Tu iras donc le voir, le film avec Aurel San, film d'Aurel San et Gringe. Et puis, un pass de 6 mois pour aller au ciné où tu veux, quand tu veux, dans tous les pâtés gourmands de France, il y en a partout. Ouais. C'est gagné, bien joué, Eric. Super. Ah, c'est cool, merci. Tu cherches en quoi ton taf? Ouais, on sait jamais, oui. Oui. Bah, partout, en usine, en peu importe. Toi, tu veux bosser. C'est ce que je trouve, ouais. Alors, comment on dit Besançon? Les Byzantins? C'est ça. Ah, les Byzantins, les Byzantines. Mais comme tu es intelligent, c'est fou, tu trouves. Ah non, mais c'est clair. Pourtant, je fais rien pour être intelligent. J'essaie d'être normal. L'autre genre. C'est vrai. Donc, non, mais si vous êtes du côté de Besançon, n'hésitez pas à nous laisser vos numéros. Si vous connaissez quelqu'un qui cherche un taf, ou si vous avez vous-même un taf dans votre boîte, ou je sais pas, votre père qui a une entreprise, tout ça, qui cherche du monde. Dans n'importe quoi, c'est pour Eric de Besançon. Si on peut t'offrir ça en plus, ça serait super. Eh ben voilà, ouais, ça serait formidable. C'est sympa, ça. Salut Eric. Raccroche pas. Salut Eric. On t'en prend tout de suite. Salut. Eh bien, merci à vous pour cette super soirée. Merci à Soprano aussi. On embrasse Soprano. C'était un super concert. Il y avait de l'émotion. Il y avait du gros son. Il y avait... Ouais, c'était cool. Il y avait tout. Bravo. Bravo Sopra. bravo. Bah, bravo à toi, Soprano. Bravo, merci. Ouais. Chapeau l'artiste. Ouais, franchement, les Marseillais, chapeau, qu'est-ce qu'ils sont forts. Oh là là. Ah, non, ah, mais je sais pas si tous les Marseillais, mais Sopra, il représente bien. Bravo Sopra et merci pour cette soirée. Merci d'avoir passé cette grosse soirée avec nous. Demain soir on revient en direct à partir de 21h. On sera là évidemment vendredi pour bien démarrer le week-end. Eh bien on va essayer de le démarrer ensemble. Ouais. Mais on va le démarrer ensemble. Bah oui, on va pas essayer. Et puis demain matin, le morning, c'est dès 6h. Venez faire les cours avec nous dès le réveil. Et puis bah profitez bien du son de Skyrock. Ça continue là, c'est parti avec On met Eminem. Tu veux, t'avais un truc spécial, non? Non, Eminem. Oh, on pourrait finir avec Sopra, non? Ouais. Allez, Sopra qui revient du concert. Allez, Sopra. T'as été au concert, Pascal? Ouais. Alors, j'y étais. Alors c'était comment? Nous c'était à la radio, c'était super. Ouais. On fermait les yeux, on avait l'impression d'y être. Ah, on y était. T'as sauté partout? Ouais, non, franchement, c'était énorme, mais c'était fort. Et puis bon, au vu des circonstances, c'est vraiment, c'était émouvant. C'est ouais, départ, c'est genre, ce que j'ai de l'émotion. Ouais. Ouais, ouais, bah, bon, on rigolait parce qu'ils chambraient entre Marseille et Est. Ouais, c'était bien. Non, on pleurait. Quel est le moment que tu as préféré, Prisca? J'ai aimé le début parce qu'il a démarré direct avec Cosmo. Donc là, le zénith s'est retourné. On met Cosmo? Allez. Ouais. Eh ben voilà. Et à la fin, il a fait Cosmo aussi. Il a fait Cosmo, ouais. Ouais, ouais. Puis un dernier titre aussi qui était super beau. Enfin voilà, Mélancolie. Non, mais de toute façon, Sopra est une bête de scène. Hein. On est d'accord. Voilà, et puis en plus, voilà, le public était vraiment là et c'était une super ambiance. C'était super. Ah très oui, t'étais là quand on a piraté le concert, toi, ça... Oui, ouais, alors. J'ai rigolé. T'as gueulé. Ça s'entendait bien. Rigolé, ouais, ouais, vraiment, ouais. C'est vrai. On a piraté le concert en plein milieu. Allô Sopra, les gens ont fait. Bon, super, on salue tous ceux qui y étaient aussi. On n'a pas parlé, mais de ceux qui étaient au concert de Soprano ce soir. Merci Sopra, merci à vous pour cette belle soirée encore sur Sky. Et demain matin, demain soir, on est là. Ouais. Salut Cédric. Salut à tout le monde. Bisous la Marie. Bisous. Salut Momo et Karim. Et bisous Romano, à tout à l'heure. Eh bien, à tout à l'heure. Et bonne nuit. Ah merde, attends, faut que je cale. Ah bah ouais. Eh ben alors, Romano. Alors, on n'a pas calé quoi? Eh ben la promo. Ah, la bande annonce. La bande annonce. Du morning. Bah, bande annonce du morning et puis Soprano avec Cosmopolitani. Il faudrait que tu parles encore un peu là. Bon. Et bien Soprano avec Cosmopolitani sur Skyrock. Et bien là c'est bon, bonne nuit tout le monde. Bonne nuit à vous, ciao. La radio qui t'offre le plus de thunes. C'est Skyrock. Mais oui, c'est Skyrock. Ah bah oui.